Fly FM présente Top Chrono, le magazine des sports avec Fred et l'équipe des sports. Top Chrono. Bonsoir, bienvenue dans Top Chrono. Après, on va dire cette composition musicale. On a pris beaucoup de plaisir tout au long de cet après-midi avec la chaleur et surtout ce soir, c'est Halloween. Attention aux fantômes, attention aux jeteurs de sorts ou citrouilles qui pourraient traverser la route. N'oubliez pas d'avoir des petits bonbons sur vous. Et si vous écoutez la rediff mercredi, sachez que c'était lundi soir, puisque ce soir on est un petit peu clairsemé. Il y en a d'autres qui sont déjà partis voir le loup-garou. On ne sait pas. En tous les cas, ils ne sont pas avec nous. Mais avec nous, Monique. Là, la technique, comment tu vas, Monique? Salut Fred, salut Jean-Yves. Est-ce que les jambes ont suivi? Est-ce que tu es allé du côté de Marseille-Cassis ce week-end? Non, je ne l'ai pas fait cette année. Avec nous, notre ami Gilles qui est souvent sur les terrains et qui est l'homme, de la Providence à chaque fois qu'on se déplace sur les terrains de rugby ou de football ou d'autres. Comment tu vas, Gilles? Bonsoir, ça va très bien. Et puis, avec moi, mon inséparable, il vient de rentrer. Excusez-moi pour le petit « c'est notre ami Jean-Yves. Bonsoir Jean-Yves. Bonsoir Fred, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et vient d'arriver Henri. On est très heureux d'avoir Henri. Bonjour Henri. Comment tu vas? Ça va bien, bonsoir, merci. Henri. Henri, on va revenir tout à l'heure avec toi avec le football. Tiens, parlons un petit peu du sommaire. Ce soir dans Top Chrono, basketball, le SAP d'Avignon gagne mais ne rassure personne. En rugby à 13, on reviendra sur la journée de championnat d'élite 1 et en élite 2, c'était sérieux. Il y en a qui ont gagné, il y en a qui ont perdu. Nous allons voir tous les résultats avec Jean-Yves. En rugby à 15, l'ASBC recevait à Châteauneuf-du-Pape en fédéral 2 pour le 4. Saint-Raphaël, un match décousu. Mais à la fois remporté par la SBC qui souffle le chaud et le froid, mais en tous les cas, ça marche et ça gagne. Victoire pour la Fédérale 3, il y en a qui ont gagné, il y en a qui ont beaucoup perdu. Nous verrons en détail ce qui s'est passé. Ceux qui devaient gagner ont gagné, ont perdu, et ceux qui devaient perdre ont gagné. Ça, c'est plutôt rigolo. Football, les résultats avec Henri dans quelques minutes, il vient d'arriver. Le rallye de Sarrian, 12e du nom, le vainqueur, on le connaît, c'est Nicolas Latil. Et le régional de l'étape, il a fini 4e, c'est Florian Bernardi avec sa 208 T16. Et puis un cocorico, mais énorme cocorico, deux fois champion du monde en moto 2. C'est Zarco Lavignoné qui a vraiment écrasé la concurrence et qui a marqué l'histoire de ce sport. Il retrouvera bien sûr la MotoGP Grand Prix 500 l'année prochaine, mais pour l'instant, il va savourer son titre de champion du monde. Notre ami Zarco, on y reviendra avec Jean-Yves l'athlétisme. Il y avait bien sûr la Caron Bèze. C'est une course... Non, vous ne croyez pas que ce soit une course un petit peu, on va dire, dévêtue. Non, pas du tout. C'est une course qui permet de récolter des fonds pour une œuvre caritative. Et il y avait la maille sur le Marseille incontournable Cassis. 21 km, ce semi-marathon qui rentre maintenant dans l'histoire des sports les plus populaires en France. Bibi Bougon, on l'aura dans quelques secondes ou dans quelques minutes, il reviendra sur ces deux affiches. Et bien sûr, le magazine Horizon est annulé parce que notre charmante Marie est allée prendre un petit peu l'air. On la retrouvera dès la semaine prochaine. Et il y aura le magazine Focus. On attend les champions de France de motoball saison 2016. Ils devraient arriver. On devrait avoir Alain Lempereur, Lafond, l'entraîneur. Et bien sûr, le président, Monsieur Palaillé, et tous les joueurs, vous allez voir, ce soir, ça va être décoiffant et étonnant. On va revenir sur cette saison qui devait peut-être pas leur sourire parce qu'ils partaient avec un handicap énorme. Et bien, à la sortie, ils sont champions de France. Et nous, on est très heureux, même s'ils nous ont ramené que le titre de champion de France, parce que c'est un petit peu comme le top 14. Quand vous êtes champion de France de brassage à la fin de la saison, vous êtes pas sûr d'être champion de France puisqu'il faut gagner le bouclier de Brennus pour l'être. Ça, c'est un petit peu difficile, Jean-Yves. Ouais, c'est un peu bizarre, mais oui, c'est bien. Alors que au motoball, ben, le premier du championnat est champion et tant mieux. Maintenant, il y aura toujours ce petit arrière-goût un petit peu amer, puisque le trophée des champions leur a échappé. Et d'ailleurs, Thierry Lafond fait son entrée dans le studio. On en reparlera tout à l'heure, peut-être, Fred. Allez, on en reparlera avec toute l'équipe. On espère qu'on aura beaucoup de joueurs, on aura tout le monde avec nous. C'est parti. Top Chrono Basket. Allez, basketball, il se jouait bien sûr. Là, c'est 8e journée de championnat. Et Avignon, le SAP recevait Saint-Vallier dans sa salle de Mauritier en Avignon. Et le score est flatteur pour cette équipe, 85 à 79. Mais est-ce que le match a été à la hauteur de l'affiche et du résultat que nous avons en notre possession, Jean-Yves? Écoute, Fred, le match a été un petit peu compliqué pour le SAP, puisqu'il s'impose avec une très petite marge. Ils ont été en difficulté jusqu'à la fin, quasiment, jusqu'à la fin du match, puisque à une minute de la fin du match, ils n'étaient même pas sûrs de l'emporter. C'est chose faite, bravo. C'est une victoire qui fait du bien, c'est une victoire qui les remet à peu près d'aplomb à ce fameux classement anglais, puisqu'ils ont réussi à équilibrer un petit peu les choses au classement, alors que les joueurs de motoball font leur entrée. On va faire un petit peu de place. Ouais, parce que ce soir, on le sait, ça va être, on va parler motoball, on va le rendre hommage à une belle saison, on va y revenir, je vous le dis. Ce soir, c'est complètement, on va dire, modifié cette émission, mais on va rester quand même, Jean-Yves, dans le basketball, juste pour en terminer avec le SAP d'Avignon. Tandis que Thierry Lafond est à mes côtés, Alain Lempereur, on aura bien sûr les joueurs qui vont revenir. On va fêter ce titre champion de France pendant une heure et demie à l'antenne, vous allez voir. Et puis, on va parler, bien sûr, de tout ce qui s'est passé et de ce qui se passera peut-être l'année prochaine. Mais restons dans le basketball pour les avoir présentés. On attend peut-être Eric Palaillé qui n'est pas encore là. Ouais, ben voilà, juste un dernier mot sur le basket pour dire que pour le moment ils équilibrent à peu près leur saison. Quelques défaites à la maison, mais une paire de matchs remportés à l'extérieur. L'un dans l'autre, pour le moment ça tient. On n'est pas encore dans le tableau de marche, puisque le tableau de marche c'était la qualif, on n'y est pas. Espérons qu'il va se passer quelque chose, parce que pour le moment c'est une saison un petit peu moyenne malgré tout. Les résultats de la 8e journée de championnat: Caen recevait Orchi, 73 à 69. Angers a disposé de Offenfen, 78 à 69. Tarbes-Lourdes recevait Chaland, défaite 108 à 79. Le Grand Avignon recevait Saint-Vallier, victoire 85 à 79. Vitré recevait Vosges, basketball 62 à 56. Andrieux recevait le Central Fédéral, victoire 85 à 55. Rieux recevait Quimper, victoire 88 à 82. Et Chartres recevait Rennes, victoire 75 à 70. Et Soufflachheim recevait Lorient, victoire 62 à 60. Avignon, bien sûr, 10e dans ce championnat avec 12 points. Le leader Soufflachheim avec 18 points. Top Chrono, rugby à 13. Allez, rugby à 13, il y avait bien sûr des journées de championnat, il y avait l'élite 1, le SOA Avignon se déplaçait et ils ont gagné à Villeneuve-sur-Lot. On n'avait pas donné cher du SOA à Villeneuve-sur-Lot. Ouais, Fred, c'est toujours un déplacement un petit peu compliqué dès qu'on franchit ce coin-là, dès qu'on prend l'embranchement en Narbonne pour remonter du côté de l'Occitanie maintenant, puisque ça s'appelle comme ça. C'est toujours un petit peu compliqué. Villeneuve-sur-Lot, c'est toujours c'est compliqué. Alors, on ne parle plus du Villeneuve d'il y a 15 ou 20 ans. Hein. C'est un club qui est en reconstruction. Mais malgré tout, c'est des voyages qu'il faut se peler. En plus, il y a 5-6 heures de bus pour aller jusque là-bas. Quand on arrive là-bas, on n'a pas très envie, en fait. Et là, le SOA fait le job. Le SOA fait le job, puisqu'ils se sont imposés à Villeneuve sur le score de 8 à 12. Ça les met bien au classement, ça les met 5e. Pour le moment, ils sont qualifiés. À noter que ça y est, maintenant, l'équipe va pouvoir jouer avec le groupe au complet, puisque 3 nouveaux joueurs sont venus se greffer. Un Anglais, 2 Australiens, me semble-t-il. Un Anglais, un Australien néo-zélandais. Les résultats de cette 5e journée de championnat avec cette belle victoire à l'extérieur. Eh bien, ouais, Lézignan est allé battre Albi à Albi. Le grand derby, alors là, c'était par contre un derby de fou à Domecq, à Carcassonne. Carca-Limoux, le score 33-32. Ça se fait dans les derniers instants. C'est un match qui a été emballé, rugueux, fait un derby, quoi, un vrai derby de rugby à 13. La réserve des Dragons n'a pas fait de détails, puisqu'ils sont allés s'imposer à Toulouse Broncos, là aussi contre la réserve du Théo. Palo Saint-Gaudens, les Catalans l'ont emporté sur le score de 32 à 8. Et puis voilà, Villeneuve a subi la loi de nos amis d'Avignon sur leur terrain. Et voilà, ça nous donne au classement les Catalans premiers, Lézignan premier ex aequo, et Carca juste en embuscade derrière un point, Avignon est 5e. Élite 2, les Carpentraciens aussi ont payé les frais, quoi. Ouais, les Carpentraciens ont failli faire le coup. Ils ont failli faire le coup puisqu'ils perdent que de 2 points à Ferrals. Ferrals qui est un promu, hein, puisque c'est le champion en titre de National 1. Ferrals qui est quand même premier de sa poule. C'est un beau résultat. Nos amis d'Entraigues avaient l'impair ce week-end, puisque c'était un championnat avec un impair là aussi. Et bien voilà, donc ça nous donne au classement Ferrals premier avec 9 points, deuxième Villefranche, troisième Villegayenc, Carpentras avec un match en plus par rapport à Entraigues et troisième. Et nos amis entraigois sont huitième, mais ils n'ont joué que 2 matchs. Est-ce qu'on a des résultats de cette Nationale 1 poule Est? Il me semble que Cavaillon recevait Saint-Martin. Ouais, Cavaillon a reçu, c'est le cas de le dire. Cavaillon a pris la foudre. J'ai pas le score là sur ma tablette, mais je crois que c'est aux alentours de 60 points, me semble-t-il. Cavaillon, qui est là aussi, qui est en train d'essayer de reconstruire quelque chose. Nouvel entraîneur, nouveau staff technique. Le nouvel entraîneur, c'est Aliel Galmi, l'ancien joueur du SOA. Un mec qui connaît un petit peu le rugby. Il est heureusement que tu es là, parce que c'est vrai que non, mais Ali c'est un mec extraordinaire avec qui j'ai eu la chance d'évoluer un petit peu, et il a été appelé à la rescousse de Cavaillon. Il va faire le boulot, mais il faut un petit peu de temps. Les joueurs, c'est un petit peu compliqué. Ça végète depuis quelque temps, mais ils y arriveront. Pour le moment, Cavaillon est cinquième. Ils sont pas encore à la rue, mais cette défaite contre Saint-Martin risque de peser lourd. Allez, on fait juste une petite pause dans les résultats, puisqu'on a le Motobol, on a les Jaguars de Monteux. Thierry Lafont, l'entraîneur, il y aura Alain Lempereur. On va faire parler un petit peu tout le monde juste avant de continuer dans les résultats. Bonsoir Thierry Lafont. Bonsoir Thierry, comment tu vas depuis samedi soir? Parce que déjà, bon, champion de France, messieurs, c'est vrai qu'on avait pris une grande table, vous voyez, on comptait poser plusieurs trophées ici. On en a le plus beau quand même. On est champion de France et ça nous fait très plaisir, parce que c'est une page d'histoire qui vient de s'écrire avec les Jaguars de Monteux, et vous avez fait quelque chose de fort, puisque vous avez marqué en lettres d'or champion de France 2016 sur ce club. Et Thierry, tiens, un petit peu... toi aussi, à l'ouvrage dans ce titre, tu as beaucoup de mérite, parce que tu es venu relever ce challenge en début de saison dernière, on va dire. Ouais, mais tout le mérite revient aux joueurs qui ont fait un super boulot. Ils ont bossé toute la saison. Et on a une très très très belle saison. Hormis les deux finales, on ne perd que 4 matchs dans la saison. Voilà, les gars ont fait le boulot. Ils ont fait le boulot. On a eu ce titre champion de France. Après, cette année, notre bête noire, c'était Camaret. Manque de chance, on les a rencontrés deux fois en finale, et puis voilà, mais les gars ont super super bien bossé. Le championnat, c'est très très dur, les déplacements, ils ont assumé, ils ont travaillé, ils méritent ce qu'ils ont, parce qu'un titre de champion de France, c'est très dur à aller chercher. Allez, avec nous, Alain Lempereur, enfin, on fait parler un petit peu tout le monde, vous allez voir, parce qu'on va revenir sur cette saison. Attention, elle n'a pas été simple, compliquée, 4 points de pénalité. On reviendra sur ces 4 points de pénalité au départ de la saison dans la zone Est. Comment tu vas, Alain? Ouais, bien. Bien, travailler beaucoup, mais champion de France. Champion de France, messieurs. Moi, je ne suis pas trop déçu, moi, je vous dis, je suis honnête. Tout à l'heure, on revenait, on faisait un aparté, et ce soir, on est en direct, j'espère qu'il y a beaucoup de monde. On va faire quelques photos sur Internet pour qu'on vienne nous voir, hein, qu'on se mette sur le 89.9, parce qu'on sait qu'à l'heure où on est, en train de passer cette émission, on a un gros audimat, et surtout sur Facebook aussi. Allez, revenons un petit peu plus sérieusement. Moi, je suis très fier de Monteux, champion de France. C'est comme le rugby, tout à l'heure on parlait, le rugby, ils finissent la saison régulière, et le mec qui est premier, il n'est pas champion de France. Ça veut dire que les mecs, ils ont bossé toute la saison comme des fous, mais tant qu'ils n'ont pas ramené le bouclier de Brennus, ils perdent en finale, ils sont rien du tout, c'est au cœur de bois. Non, au motoball, ça ne marche pas comme ça. On se lève l'âme pendant 8 mois et on est champion de France. On l'est devant contre vents et marées, mais on l'est. Vous êtes champion de France. Je pense que c'est encore plus fort dans le sens où on est champion de France, élite 1. C'est ça. C'est qu'on est ressorti d'une poule difficile. On est sorti deuxième, c'est normal, avec nos 4 points de pénalité. Et puis derrière, on est parti à zéro, on a remis les compteurs à zéro. Et là, on a fait un travail extraordinaire. Les joueurs ont fait un travail extraordinaire, Thierry avec, et tout le monde, du porteur d'eau au soigneur, tout le monde a été présent. On a été à 200% sur le job. Nos amis mécanos qui sont là... Alors, j'en parle même pas. C'est des nuits, des journées. Allez, on va les voir. On continue à faire le tour avec nous, il me semble. Tiens, on va prendre le micro. On va demander à. Comment il s'appelle ? Stéphane Fraisse, on doit prendre le micro, là. Juste celui-là, il marche. Moi, je l'ai mis là parce que je veux entendre un petit peu tout le monde. Oui. Comment tu vas aujourd'hui ? Ça va mieux, ça y est, là. C'est... Ah ouais, moi, je suis le plus heureux. Ah ouais, je suis heureux. On a écrit l'histoire du club. Ouais, c'est vrai. C'est fabuleux. Je crois qu'en début de saison, c'était pas gagné quand même. Non, partir avec ces 4 points de pénalité, c'était plus que compliqué. Alors un championnat, la première partie qui a été, on va y revenir, hein, qui a été, on va dire, peut-être facile. Une deuxième partie de championnat avec retrouvé les équipes du Nord, on s'est dit ça va être compliqué. Et tout compte fait, vous avez trouvé la bonne carburation pour rester sur cette dynamique et cette envie de dire, on va écrire une page d'histoire. On avait envie d'écrire l'histoire, mais on avait surtout un bon groupe. Que des collègues, on s'est retrouvés tous des collègues d'enfance et tout, voilà. À tes côtés, qui c'est qui, hein ? Ah, c'est David, ancêtre. Bonsoir. Bonsoir, David. Bonsoir. David, hein ? Grima. Ah oui, David Grima, je l'ai vu rentrer lui aussi du côté de Camaré, il avait un peu la rage au moment qu'il est rentré. Mais bon, ça y est, c'est dirigé, tu es quand même fier d'être un champion de France avec les Jaguars de Monteux. Bien sûr, même si c'est pas mon premier titre, parce que j'en avais eu plusieurs avec Valréas. Ah oui, c'est vrai. Mais Monteux, c'est quand même mon clocher, quoi. Je suis né ici et très fier d'avoir ce titre. Ouais, parce que bon, quand on va y revenir tout à l'heure avec le président Palahi, on va faire un petit peu une page d'histoire, quoi. Ce club qui, il y a pas 10 ans, peut-être 12 ans, il était mort. Ah oui. C'est Jean-Pierre Mathieu qui l'a sorti de terrain. Et puis après, il fallait une vitesse, il fallait des gens qui aient une vision, on va dire, plus dynamique du club, qui voyaient beaucoup plus loin. Ben, c'est Eric Palahi qui a fait cette passerelle. Jean-Pierre a remis un petit peu tout le monde dans l'ouvrage. Et après, il fallait un deuxième souffle avec une deuxième vision. C'est Eric Palahi qui a eu cette deuxième vision. Tu es d'accord avec moi, Eric ? Oui, bien sûr, il a fait son job. Hein. Qui c'est qu'on a encore derrière ? On veut savoir, nous. C'est le traceur. Peugeot. Ah, c'est le traceur. Philippe Peugeot, le traceur. Alors, qu'est-ce qui. Alors, le traceur, allez, on va l'écouter. Tiens, Herbie de touche. On a un nouveau quad pour lui. Alors, le traceur, c'est quoi ton rôle dans ce team ? Ben, tracer le terrain, roser le terrain et faire la touche en déplacement. Oui, tu as un petit peu des fois des remarques de certains pilotes en disant tu pourrais pas un peu plus arroser ou fais gaffe, là ça fait carrément un marécage tellement que tu as un ami. Si, des fois. Ça arrive, d'accord. On lui dit surtout de pas se tromper quand il lève le drapeau. Derrière, qui c'est qu'on a encore là on, parce que c'est un club qui a été champion de France. Lui, c'est la mascotte, Mich-Mich. Mich-Mich. Alors Mich-Mich, ton rôle dans ces Jaguars de Monteux ? Ah ben moi, je m'occupe de tout ce qu'il y a avec Alain, tout ça. J'ai mon rôle de dirigeant, tout ça. Je suis l'arbitre de touche aussi. Tu es la petite main, toi. Tu es là pour donner un petit coup de main. L'intendance. Oui. Donc, je m'occupe un peu de tout ça. L'eau, le café, le chocobo. Et les personnes qui sont derrière, on va les écouter parce que moi, je vais faire parler tout le monde ce soir. Je vous le dis, un titre de champion de France, c'est pas quelque chose de simple. Et surtout à Monteux. Avec nous, c'est qui ? Claude Mécalo. Alors Claude, on appelle les mécanos de Monteux MacGyver, c'est vrai ? Ouais, mais bon. Ce sont les MacGyver de la Monteux. Ouais, parce qu'avec un morceau de. Alors en Grisland, un radiateur qui ne tient plus en 3 secondes, on prend 2 Grisland, ça tient, ça ira. Ça, si tu le donnes à David Fraisse, il le mettra sous le bras pour qu'on y aura. Mais bon, c'est ça quoi. C'est des combines d'années d'expérience. Ouais, parce que vous êtes quand même des moi je vois. Qu'est-ce que vous avez ? Vous avez 10 minutes pour manger le moto en état quand c'est le moment des matchs ? 10 minutes, oui. Bon, j'ai un amortisseur à quoi ? 7 minutes. Bon, ben c'est. Bon, c'est de l'expérience et c'est surtout de la bonne entente entre les mécanos. Parce qu'il n'y a pas une bonne entente entre les mécanos, on peut faire ce qu'on veut. On fait rien. Voilà, j'oublie un petit peu les noms parce qu'il y en a tellement ce soir à retenir. Mais tout à l'heure, on reviendra sur ces mécanos parce qu'on a eu des motos neuves, il a fallu peut-être les améliorer et on parlera plutôt mécanique avec vous. Qui c'est qui est avec nous encore ? Ben, c'est Denis, c'est le second mécano. D'accord. Enfin, il dit premier, mais on est tous de façon, on est deux et il n'y a pas un premier, il n'y a pas un second. L'essentiel, c'est que ça fonctionne. Et puis moi, j'ai passé une très très bonne année, ça a été très dur, je le dis. C'est la première année que c'était si dur qu'on a passé des heures, des nuits. Pour que les joueurs aient leur moto le samedi. Et bon, c'est bon, il y a des fois des prises de gueule, mais bon, ça c'est du passé. Après on rigole. Ça, ah non, c'est sûr. Parce qu'un titre de champion de France en motoball, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Il faut que la mécanique le tienne, il faut que la mécanique soit au rendez-vous. Et vous en faites partie vous aussi, parce que bon. Ouais. Si ça marche mal, les joueurs, oui, ça râle, oublié, moi. Ça doit bien râler. Oui, ils savent râler. De toute façon, j'en ai un à côté de moi, Stéphane, qui s'est râlé. On va le revoir tout à l'heure, Stéphane. Et qui puis... c'est qu'on a là? On a des dames, là. On va les faire en parler, ces dames. Allons-y, on se présente et on va vous retrouver parce qu'on va continuer sur le résultat, on viendra après. Madame Moi, je suis Nicole, bon, la femme du mécanicien et d'accord. secrétaire du motoball. C'est ça, la famille. Donc, oui, je me suis régalée. J'ai passé une superbe année. Avec des émotions et un peu moins, mais bon, voilà. Ça fait très plaisir de rendre hommage aux bénévoles. On leur fait à manger à tous. On a pris un super plaisir. Avec nous derrière, on va la faire en parler. C'est Sylvie Jean, la femme du mécano, du second mécano. C'est magnifique. Mère de joueurs. Ah bah alors vous êtes pire. Alors vous êtes au four au moulin parce que ça dure 7 jours, quoi. Ça a duré 8 mois. Parce que exactement. Le dimanche on joue, le lundi on refait le match, le mercredi et le mardi on s'entraîne, le mercredi on prépare le sac, le jeudi on commence à parler du match du week-end, le vendredi on fait le planning, samedi on est au stade et dimanche on est encore au stade et ça recommence pendant 8 mois. Le mardi soir on fait souper les joueurs. Ah oui, le mardi soir on fait souper les joueurs. C'est ça l'esprit de famille, ça c'est bien. Oui. On va y revenir, En même temps, c'est des jeunes qu'on a retrouvés quand ils étaient petits, d'accord. qui ont grandi avec nous, même si je suis là pour la première année. Alors c'est votre nom, c'est comment, excusez-moi Jean. Non, vous, Sylvie. Sylvie, vous êtes gentille, mais par contre, Monique, elle va remplir le frigo, elle va toujours passer de la pub, elle est incroyable. Allez, vas-y, Monique. Allez, on est toujours avec le motoboy, vous êtes bien dans Top Chrono Week-end ce soir. Ben oui, c'est les Jaguars de Monteux qu'on met à pleine lumière. Champion de France 2016 de motoball, le président Éric Palayer. Bonsoir, Éric. Bonsoir à tous et encore merci de nous accueillir chez vous. C'est vrai que vous nous avez invités souvent. Et on a le plaisir à chaque fois de venir avec la meilleure des volontés, et puis surtout avec le sourire. Alors c'est vrai que cette année, champion de France, ben c'est superbe. C'est vrai qu'on a perdu deux finales, mais on est quand même deux fois finaliste. Donc c'est pas arrivé à beaucoup de clubs. L'année dernière, on était vice-champion, il nous a manqué pas grand-chose. Cette année, on est passé champion de France et les deux finales. Donc ben, espérons que les autres années, on essaye de concrétiser tout ça. Et ça serait très bien. Alors je tiens bien sûr à remercier bien sûr les joueurs, tout le staff et surtout également les mécaniciens, car pour avoir une grande équipe, il faut que la mayonnaise prenne avec tous, aussi bien les joueurs, l'entraîneur qui a été très fort cette année, que je remercie Thierry Lafont, Alain Lempereur et tout le staff, Nicole et surtout Claude et Denis. Il faut savoir qu'il y avait la moto d'Anthony Mathieu qui a serré donc le vendredi soir avant la finale. Ils ont travaillé jusqu'à 4h du matin pour que la moto soit en état. Et la moto a pu marcher donc pour la finale et je vous remercie et je vous rends bien sûr un grand hommage à tous les deux. On peut les applaudir. Hein. Ah ouais, je crois. Eh bien, on va y revenir parce qu'on ne fait que démarrer cette émission. On est là jusqu'à 20h ensemble. On va revenir maintenant sur les résultats. On reviendra bien sûr, Éric Palayer. On va parler bien sûr de cette belle saison. Ça sera tout à l'heure dans Focus, dans environ une quinzaine de minutes. Et là, on se lâchera et tout le monde prendra un petit peu la parole. Mais on va revenir maintenant à du... Top chrono, rugby à 15. Rugby à 15, fédéral 2, et bien c'était dans la poule 4, c'était la 6e journée de championnat, bien sûr. La SBC Châteauneuf-du-Pape recevait au stade Jean-Louis Trintignant à Châteauneuf-du-Pape. Saint-Raphaël, victoire 36-17. Mais le match a été un petit peu haché, Jean-Yves. C'est vrai qu'on aurait aimé voir, peut-être, on va dire en deux mots, un match plus fluide de la part de la SBC. Qui nous régale les 20 premières minutes et on a toujours un petit peu ce petit problème de temps mort et de temps faible, on va dire, pour la SBC avant qu'on retrouve une SBC performante en fin de match. Ouais, ce match, Fred, il me laisse un petit peu un goût de pas fini, d'inachevé, un truc mitigé parce que on voit une équipe de la SBC juste extraordinaire pendant 20 minutes et puis après le rythme baisse un petit peu. L'équipe entière baisse complètement et puis ce qui se passe, c'est bizarre parce que ils bafouillent complètement leur rugby pendant entre la 30e et la 50e, va savoir pourquoi. Et puis après il y a encore un deuxième souffle où là ils deviennent juste irrésistibles. C'est bizarre parce que encore une fois, il n'y a pas d'explication. Si c'était juste un problème que physique, ils exploseraient à la 30e et puis on n'entendrait plus parler. Alors que là, comme s'ils se mettaient en mode off, et puis après ça repart. Et pendant ce temps, le problème, c'est qu'ils continuent à vouloir jouer autant que pendant les 20 premières minutes. Et du coup, il y a énormément de fautes. C'est probablement Le point faible de l'équipe cette année, c'est la gestion des temps forts et des temps faibles. Ils n'y arrivent pas encore. Ils sont constamment sur des temps forts sans en avoir vraiment les moyens entre cette période-là. Mais comme tu disais si bien hier en direct quand tu commentais le match, c'est vrai que cette ASBC, eh bien, tout compte fait, elle gagne. Elle a sa façon de faire. En tous les cas, elle ne perd pas des matchs un petit peu compliqués parce qu'à un certain moment, ils se sont embrassés, mais ça a été différent hein, puisque les points étaient de sortie. Mais je vous propose d'écouter Philippe Damignani et surtout Guillaume Marquis après le match. Qui est le capitaine de l'ASBC? Guillaume, tes impressions sur ce match? Écoute, voilà, bon match, on conforte notre place de leader sur une équipe qui était mal placée et qu'il fallait, il fallait surtout pas se faire surprendre. Donc voilà, bonne victoire, 5 points, contrat rempli. On a l'impression que en début de seconde mi-temps, en fin de première mi-temps et en début de seconde mi-temps, il y a un peu de flottement. Alors on a toujours un peu ce passage sur, on va dire, entre les 30 et 50 minutes, hein, voilà ce qui se correspond, où on a un peu dominé et puis on se laisse un peu aller, voilà, ça nous coûte un peu cher à chaque fois. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas aussi l'impression d'être un peu trop optimiste des fois, en vouloir produire plus de jeux que ce qu'on vous demande, et du coup en faisant énormément de fautes? Oui, forcément, mais après, comment on arrive à faire des bonnes entames de match, au bout d'un moment, ben, on essaie de jouer un peu plus, et en jouant un peu plus, ben, ça appelle à plus en avance, ça appelle à garder des ballons, des fois il faudrait jouer, c'est pas vraiment des fautes, c'est plus qu'on veut plus jouer, c'est de l'excès de zèle, voilà. Et Nice maintenant? Voilà, ben Nice, il va falloir bien le préparer, match à l'extérieur. C'est ce qui va vraiment nous mettre dans le bon paquet. Voilà, match compliqué contre une belle équipe. Donc il va falloir tout donner. C'est le vrai test à l'extérieur, il est là. Philippe Damignani, le président de la SBC. Philippe, quoi dire après ce match? Content, les compteurs sont au beau fixe. On est première réserve, première invaincue. Il n'y a pas grand monde qui nous attendait là. On nous a mis un tableau, je ne sais pas qui avait fait ça, mais c'était sûrement pour nous faire du mal. Mais écoute, jusqu'à présent, ça nous a réussi et on va essayer d'y rester le plus longtemps possible. Jusqu'à la trêve, on me ferait plaisir de rester premier. C'est plutôt, comme tu l'as dit, une bonne surprise, hein, nouveaux entraîneurs, le groupe qui a un petit peu changé, mais pas trop. Et puis finalement, une continuité dans le bon sens. Une continuité dans le bon sens. Le groupe n'a pas trop changé, il a évolué ensemble. Donc pour nous, la meilleure des recrues, c'était de garder tout le monde. On a mis deux ou trois gars qui manquaient en plus, c'est ce qui fait la différence. Et puis les joueurs, ça fait 3 ans qu'ils sont ensemble, 3 ans qui s'aiment. On arrive dans une équipe qui est très aboutie et qui sera compliquée à vaincre. Et du coup, tes ambitions un petit peu revues à la hausse, ça doit donner un peu de l'appétit, non, ces bons résultats? Ben écoute, les ambitions le sont, comme je l'ai dit en début de saison, pourvu qu'on monte. Allez, on est revenu bien sûr avec Philippe Damignani et surtout ce match, le président qui a annoncé qu'il monterait en Fédéral 1. Je vous donne les résultats bien sûr de cette 5e journée de championnat. Hier, Carcarande recevait Château-Renard, correction 38-3 pour hier. Saint-Jean-Royan recevait Tricastin, défaite pour Tricastin 16-9. On l'a dit, la SBC a gagné 36-17, tandis que Montélimar recevait Voiron, correction à domicile, ils ont perdu 16-11. La SBC est premier leader avec 20 points, on retrouve juste un petit peu derrière. Château-Renard avec 17 points, ils sont 3e, mais le bon dernier c'est Montélimar. On joue aussi en fédéral 3, poule 9, les résultats de la journée de championnat, 6e journée. Privas a disposé des angles 35-22, on va y revenir avec Jean-Yves. Berre Renault 15, 32-15. Émeux a perdu face à Beaurepaire 20-18. À domicile, Ampuy recevait Martigues 19-12. Et Avignon-le-Poté recevait Givors, victoire 27-22. Jean-Yves Domo sur cette fédérale 3, poule 9, avec la victoire, certes, d'Avignon-le-Poté face à Givors. C'est déjà une bonne chose. Et Privas qui bat les angles un petit peu sévèrement. Ouais, Privas qui bat les angles, c'est un peu plus délicat. C'est un peu plus délicat parce que les angles avaient fait un gros début de saison. On les pensait à l'abri de ce genre de péripéties. Alors sur le coup, les angles perdent deux fois. Ils perdent une fois contre le premier invaincu et ils perdent une fois contre le troisième, le quatrième. Et une fois à la maison contre le premier, une fois à l'extérieur contre le quatrième, il n'y a pas le feu au lac. Bien au contraire, les angles, ça reste une superbe équipe. On les a vus, on s'est régalés. Et puis l'inquiétude, c'est pour le Ponté, quoi. Le Ponté qui est huitième au bénéfice des points de bonus qu'ils ont raclés à droite à gauche, et surtout des points de bonus. Et ils sont qu'à 4 points des Angles. Les Angles qui ont fait un très bon début de saison, ils sont venus gagner à domicile et tout. C'est vrai que si on prend le championnat, si on prend le classement anglais, pour le moment, ils sont pas trop bons, le Ponté. Et oui, mais tu sais, Fred, ils ont justement instauré ça il y a 15 ans maintenant, les points de bonus offensifs, défensifs, pour que toutes les équipes puissent se battre et avoir une raison de pas exploser en vol. Et bien, regarde le Ponté, tu vois. Ils se battent jusqu'à la fin comme des crevards. Ils gagnent pas ou peu, mais ils perdent pas beaucoup non plus. Et puis finalement, ils grappent des points défensifs, des points machin. Ça les maintient la tronche hors de l'eau. C'est bien, c'est bien. C'est bon, c'est un peu la prime au jeu de raccro, mais c'est bien. Bravo. Ouais, parce qu'ils ont un match de retard. Il faut le savoir. Ouais. Il faut savoir le faire en plus. Il faut savoir le faire d'aller chercher des points comme ça pourris là, que personne ne veut. Et eux, ils vont les chercher. Oui, Cavaillon qui a perdu à Bastia. Non, qui est allé gagner à Bastia, pardon, excuse-moi, pour les Cavards. En poule 10, ils ont gagné 11, ils ont gagné 21 à 11. Et par contre, l'île sur Sorgue ne pouvait rien faire face au leader Lavalette, puisqu'ils ont perdu 10 à 20. J'arrive. Ouais, l'île sur Sorgue, ben voilà, pareil, un gros début de saison. Les points faciles, il faut les prendre en début de saison comme ça. Ce qu'a fait les Angles, ce qu'a fait l'île sur Sorgue, ce qu'a fait dans une moindre échelle un peu Cavaillon. En tout début de saison, lorsque les grosses cavaleries ne sont pas encore bien prêtes, eh ben, on va chercher des points. Les équipes un peu plus faibles, on peut aller leur piquer quelques points là pendant les trois premiers matchs. Et puis après, ben, ça se met en route. Et les grosses équipes, on les retrouve en haut. La Valette, on retrouve Aix aussi. Et puis voilà, mais Lille, c'est bien ce qu'ils font. Ouais, Lille sur son qui joueront sûrement les phases finales, mais ils ne monteront pas d'office en fédéral 2, puisqu'ils seront obligés de passer par les poules de brassage s'ils restent à la quatrième place, comme ils sont ce soir, 17 points, tandis que La Valette est leader avec 26 points. Résultat d'honneur PACA, c'est bien sûr les Montillens qui recevaient Draguignan. Le leader, et bien, ils ont perdu 19 à 14 à domicile. Ils prennent le point défensif et d'autres résultats. Je regarde, c'est Saint-Saturnin qui a allé chipper le point défensif du côté de Sisteron, puisqu'ils ont perdu 21 à 14. Voilà pour le rugby. Top chrono, football. Allez, football, et c'est monsieur Henri. On va parler un petit peu de la CFA. Le Ponté dont Giad Berroué est parti. Et puis, tout compte fait, le Ponté qui gagne aujourd'hui. Nouvelle donne, depuis le départ aussi de Kader Nasri, qui était entraîneur de cette équipe du Ponté. Qu'est-ce que s'est-il passé, mon cher Henri? Ce week-end, le Ponté se déplaçait à Martigues et est allé gagner à l'extérieur 0 à 1, donc ils ont fait un match assez solide et se font aussi du bien au niveau du classement, donc ils quittent la dernière place du championnat. Ça, c'est une bonne chose. C'est vrai que on soit très attentif, parce que le Ponté est un petit peu, on va dire, la vitrine de ce football en Vaucluse, tandis qu'en Ligue Honneur, qu'ont fait nos amis de Perne, mon cher, face à Cannes. Donc Perne a aussi fait un résultat, a été très solide. Donc ils s'en sortent avec un but partout contre Cannes. Ça aussi, c'est du sérieux, parce que, attention, en division d'honneur Ligue Méditerranée, ça ne rigole pas. Et en division d'honneur régionale, il me semble que le Courtaisonnais ont fait le coup du chapeau ce week-end. Oui, ils se déplaçaient à Saint-Rémy et sont allés s'imposer 0 à 4. Magnifique pour cette équipe de Courtaison qui brille dans ce championnat. Revenons tout proche de chez nous, le championnat district Renaud-Durance, la fameuse PHA. Les résultats, mon cher Henri. Donc, ils sur la Sorgue jouaient contre Montfavet. Donc, ils ont fait un partout. L'ouverture du score est à la 28e minute par Ile sur la Sorgue et l'égalisation à la 75e par Montfavet. Saint-Rémy-Courtaison, donc comme on l'a dit tout à l'heure, 0 à 4. Carpentras qui étrit Bourgon, 6 à 1. Nyons, US Avignon, 3 à 4. Vedaine-Nove, 0 à 2. Barbantane-Perne, 3 à 1. Voilà, la PHB, juste pour nos amis Montillien, où c'est qu'on en est. Et Oui. Yeah, ça me rappelle une, vous savez, une phrase où, comment c'était une fable. La machine. Non, c'était pas une chanson, mon cher Henri. C'est pas ça, je m'en souviens plus. Non. Bon, allez, on y revient plus sérieusement. Si vous êtes, bien sûr, vous venez nous rejoindre, restez avec nous dans Top Chrono Week-end. On est pour le moment et les résultats de football. Mais on a toute l'équipe du motoball et surtout tous les dirigeants avec nous pour cette super soirée. Continuons dans le football. Revenons. Donc, les résultats de la PHB, poule A, Calavon Entraigue 2-1, Molégès Cavaillon 1-4. RC Provence, Le Pontet, 1-4. Saint-Jean-du-Grès, Monteux, 1-1. Henri, est-ce qu'on a oublié quelque chose pour le football? Parce que je sais que tu étais quelqu'un de très attentif. Oui, il y avait également la Gambardella qui se passait. Donc Le Pontet, Istres, 1-1. Qualification de Istres au tir au but. Pernes-Martigues, 1-1 également. Et Pernes se sort vainqueur de ce match. Orange, Côte Bleue, 2-1 pour Orange. Alors, cette Coupe de Gambardella, la finale se joue bien sûr le jour de la Coupe de France au Stade de France. Est-ce qu'on a eu déjà des vainqueurs de clubs très proches? Non, je ne pense pas, je ne suis pas sûr. Ça, c'est toujours les clubs d'élite 1 qui ont toujours joué cette finale de la Coupe Gambardella? Oui, ce sont en fait les centres de formation en général. Voilà! Top chrono, sport mécanique. Allez, on revient bien sûr au rallye de Sarian tout ce week-end, c'était la 12e édition. Et Nicolas Latti, qui est champion de France bien sûr depuis l'année dernière, depuis déjà 2 ans, champion de France au niveau des rallyes de terre. Oui, est-ce que qui c'est qui m'a appelé? Non, personne. Bon, très bien. Revenons à ce 12e rallye de Sarian, un beau vainqueur, Nicolas Latti. On surveillait bien sûr Nicolas Bernardi, qui nous avait présenté sa voiture lors d'une présentation à Villeneuve ce vendredi soir. Il espérait jouer les troubles faits. Il ne terminera que 4e dans ce rallye, puisque devant, on va dire, Cochet et surtout, je cherche son nom, Roche Romain, qui est le copilote de Nicolas Latti, parce que là, c'est une affaire de famille. Ils sont tous originaires, bien sûr, du 05 du côté de Gap, et c'est eux qui ont levé, bien sûr, ce rallye. L'infini premier, Nicolas Latti, avec 1 seconde d'avance. On retrouve au deuxième notre ami Roche Romain, et puis troisième, c'est bien sûr Cochet Julien, et quatrième le régional de l'étape, Florian Bernardi, qui donne rendez-vous bien sûr à l'année prochaine, puisque c'était sa dernière course de la saison. Jean-Yves. Ouais, un rallye superbe avec une épreuve annulée, la 5 qui a été annulée pour cause de trop de monde dans Didio. La spéciale, ouais, Didio. J'avais décidé d'être sage, Fred, ce soir, et c'est toi qui me... D'accord. Donc, annulé pour cause d'idiot. Voilà, après, c'est... On retrouve 5 premières places, les 5 plus grosses autos. Il n'y a pas de surprise. Par 120 contre, concurrents ont franchi la ligne, quand même, sur les 154 qui étaient engagés dans ce rallye. Ouais, preuve que le niveau progresse. Mais juste pour revenir sur Nicolas Till, c'est un mec qui va super vite, qui s'engage très régulièrement dans des manches de championnat du monde. Il fait tous les ans le Monte Carlo, les quelques gros rallyes autour de chez lui. Et bien, avec la voiture qu'il a, c'était pas un hasard s'il est premier. Et probablement que Florian Bernardi a aussi manqué un petit peu d'habitude sur cette voiture. S'il avait eu plus l'habitude de rouler avec, il aurait pu se mettre en action plus tôt, peut-être. Ouais, et je pense qu'il n'a pas pu tirer, on va dire, le maximum de cette auto. 300 chevaux, bien sûr, hein, c'est la nouvelle 208 T16, 4 roues motrices. Je peux vous dire que c'est vrai qu'il a commencé à comprendre qu'avec 4 roues motrices, on faisait du spectacle, et on peut dire que dans Sarrières-les-Vignes de Vaqueras, c'est les 7 km, à un certain moment où j'étais placé, je peux vous assurer qu'il a été à l'applaudimètre le numéro 1, parce qu'il est vraiment passé vraiment très, très fort. Ouais, il est passé super fort, mais encore une fois, ces voitures-là, il a eu juste une journée de roulage avec. Et probablement que c'est ça qui fait la différence, parce que Latti a eu un petit peu plus l'habitude de cette grosse auto. Roche, pareil, c'est la sienne. Derrière, on retrouve Morel, pareil, c'est son auto à lui. Et si Flo Bernardi avait eu l'occasion de rouler un petit peu plus, peut-être que ça aurait pu le mettre dans de meilleures conditions. Eh bien, le rallye de Sarian, bravo à la famille Bernardi, bravo au team Sariani, messieurs, fantastique édition. Je vous félicite parce qu'ici, il n'y a pas eu de bobo, pas de pépin, pas de personne blessée dans ce rallye. Par contre, un nouveau rallye est en train. Bah, elle n'a rien à faire. Hein, c'est incroyable. Curobia, ça, c'est incroyable. Mais Romain ne travaille pas aux impôts, sinon, on est obligé de faire les poches en partant tous. Donc, on va revenir gentiment à la pub. Fly FM. Dans une minute, le meilleur du hit revient. D'après le best-seller qui a fasciné le monde entier, La fille du train. Si j'ai bien compris, cette femme qui a disparu était sa nounou. Qu'a-t-elle vu? Je l'ai vue de la fenêtre du train. Ça n'a duré qu'un instant. Qu'a-t-elle cru voir? Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit dans le tunnel? Dis-moi la vérité. Témoin, coupable ou victime? La fille du train avec Emily Blunt, actuellement au cinéma. Tout de suite, plongé au cœur de plus de 40 minutes de hit sans pub. Oui, on revient avec l'automobile. Eh bien, vous savez que le rallye Terre de Bocuse va 26e du nom, hein, 26e année. Louis Priano nous a présenté un petit peu ce rallye Terre de Bocuse avec, on va dire, un phénomène. C'est Bruno Sabi qui sera au départ de ce Terre de Bocuse. Je vous propose d'écouter Louis Priano. On va revenir bien sûr lui aussi sur ses déboires et sur ce rallye qui est enfin programmé et qui va tenir toutes ses promesses le 11, 12 et 13 novembre prochain. Louis Priano. Casse un petit peu, on va dire, ce championnat de France pour devenir un rallye mythique, le rallye Terre de Bocuse. Comment on a pu en arriver là, Louis? Oh, mais ça, c'est bonjour d'abord à tous, c'est mon caractère, vous me connaissez tous. Bon, j'ai mis le cahier des charges à la Fédé, ne me convenait plus. Donc, j'ai dit, je me retire du championnat. Bon, ils ne le croyaient pas, puis finalement, on s'est retiré. Et suite à deux réunions importantes à la Fédé, tout ce que je demandais, on me l'a accordé. Donc je reviens au championnat en 2017. En 2017, tu reviendras encore plus fort. Mais je crois que les pilotes, toutes les écuries, répondent présentes. Parce que ce rallye, c'est un petit peu, on va dire, ce qui tient ce championnat de France sur Terre. Tous les pilotes sont unanimes. Sans Courtaison, c'est plus le championnat de France, rien pour certains. Non, mais là, ils me font plaisir. Parce à ceux qui viennent tous, bon, j'attends la réponse de Kurok. Enfin, on a Astier qui a gagné la finale de la Coupe de France avec Vauclair qui sera là avec une R5, pas une R5, pas une Renault R5, hein, une Ford Fiesta R5. Philippe Gache qui laisse les VH pour venir aussi avec une Ford Fiesta R5. Bon, on a Devesa qui vient avec la fameuse Subaru de Munster. Brianti qui vient avec une Skoda R5. Beau avec la Ford Fiesta WRC. Chios avec la 307 WRC, Ferro avec la C4 WRC de Kurok. C'est pour ça que Kurok il attend lundi pour me confirmer, il faut qu'il trouve une voiture. Sinon ils sont tous là. Actuellement on est à 103, alors comme c'est limité à 110, et puis en VH, ben, ils sont là, on attend encore lundi. En VH, bon, il y a Munster avec la Porsche, il y a Lotwer, il y a Jacob le Belge. C'est fabuleux. Je suis sans voix quand je vois un petit peu le panel de pilotes qu'on vient d'évoquer. On a évoqué pratiquement tous les meilleurs pilotes sur Terre qui sont au rendez-vous de Terre de Vaucluse. Et 2017, la fédération qui ne pouvait que venir un petit peu mettre le tapis rouge à Louis Priano en faisant comprendre qu'il fallait peut-être réintégrer le championnat parce que sinon l'intérêt devenait moindre. Ah, mais tout à fait. Moi, du moment qu'ils sont ce que j'ai demandé, on l'a eu. Il n'y a aucun problème, moi ça ne me dérange pas de retourner. Maintenant, c'est aux pilotes aussi, on est la seule fédération qu'on fait payer pour marquer des points. Bon, moi, vous savez, j'y suis à la fédération, mais je pense que je ne vais plus y aller. On prend des décisions, nous on est les petits pèlerins derrière. Et moi, j'ai toujours été commerçant, donc j'aime pas trop qu'on me commande comme ça. Moi, les plaques minérologiques que c'était interdit, c'était adjugé à la fédération. Le premier gars que j'ai vu, bon, je peux pas dire, vous le verrez sur les voitures, mais il a acheté de suite les plaques minérologiques. Puis ce qui me fait plaisir, c'est que les pilotes nous ont aidés. Un gars comme Sébastien Rode et Cyril Ferraud, ils ont carrément acheté la spéciale de Kéran et l'autre la spéciale de Rex. Donc c'est fabuleux, on a des pilotes qui en plus prennent de la publicité sur le team pour nous aider à continuer. Oui, mais ça, c'est un petit peu le retour de 30 ans à l'écoute des pilotes, des rallyes. Louis Priano, c'est pas que le rallye Terre de Vaucluse, c'est Louis Priano un petit peu de partout, quoi, sur toutes les courses. On le voit et puis après, on l'apprécie. Quoi. Oui, d'accord. Enfin, il n'y a pas que Louis Priano, il y a le team qui est derrière. Bon, c'est vrai que ça commence à s'essouffler et c'est dur, ça devient plus dur en plus dur. Et puis, vous savez, avec la perte qu'on a eue, nous, au team, c'est quand même dur de continuer. Et bon, là, je remercie mes collaborateurs qui sont tous au boulot. Top chrono, athlétisme. Allez, athlétisme, on va voir qui on peut avoir au téléphone. Est-ce qu'on a M. Didier Bougon au téléphone pour parler, bien sûr, de la Carombèze? C'est une course à pied, hein, il n'y a personne qui est dévêtu. C'est une course caritative du côté de Caron. Et chaque année, il y a de plus en plus de monde qui participe. Il y avait bien sûr le Marseille Cassis qui vient d'être classé parmi les 15 épreuves reconnues européennes les plus importantes. Marseille Cassis. Est-ce qu'on a Jean-Pierre Bouix? Non. Didier Bougon. Et l'un ni l'autre? Eh bien, il y aura un pigeon voyageur. Il expliquera qu'on avait téléphoné, qu'on n'a pas pu les prendre en direct. À la radio, encore 10 secondes et on va parler. Focus. Est-ce qu'on a quelqu'un, Monique? Oui, peut-être Jean-Yves. Est-ce que Henri est toujours là? Il est parti, Henri. Il est parti. Il est passé à côté. Non, personne ne va nous parler ce soir, en fait. J'espère qu'ils resteront pour l'apéro. Alors, c'est le moment qu'il faut se faire. On va fêter les champions d'enfants tout à l'heure. Oui, par contre. Allez, si vous nous rejoignez, n'oubliez pas, dans maintenant 2-3 minutes, nous allons parler motoball avec les champions de France de la saison 2016. Et oui, les Jaguars de Monteux ont écrit une page en lettres d'or. Ils sont champions de France de motoball. Est-ce que nous avons quelqu'un en ligne, messieurs, dames? Non, personne. Eh bien, tant pis. Focus. Ce soir dans Focus, place au motoball. Revenons à cette saison qui a été dure et à la fois palpitante. Les Jaguars de Monteux l'ont fait. Ils sont partis avec 4 points de retard cette année et ils ont fini champions de France d'élite 1. Une chose que beaucoup de gens à Monteux rêvaient. Eh bien, eux, ils l'ont fait. Et on est avec Éric Palaillé, le président. Et maintenant, place au motoball pendant maintenant 45 minutes. On va revenir sur ce qui s'est passé, ce qui s'est fait, et ce que deviendra le motoball à Monteux après ce titre de champion de France 2016. Mais ce soir, place à ce beau titre de champion de France que vous avez ramené ici à Monteux. Éric Palaillé, encore une fois, bonsoir. Éric. Bonsoir. Donc, je rappelle l'historique de Monteux. Donc, le club a été créé en 1948. Ah, donc, il faut le savoir. Alors, tu vas tout nous dire et tu vas nous dire où tu t'es situé. Et ce deuxième souffle, parce que moi, depuis tout à l'heure, je l'ai déjà dit, c'est toi qui as mené ce souffle innovateur qui a permis de franchir un cap à ce club et de devenir champion de France. Alors, c'est vrai que par rapport à mon métier, j'ai quand même un réseau, j'ai quand même des partenaires. Et c'est vrai que grâce à eux, donc, ils m'ont aidé financièrement, à toutes mes connaissances, tous mes amis. Ce qui fait que, bon, ça a été un petit peu plus facile. On a pu d'entrer quand j'étais président. C'était jamais arrivé, on avait déjà acheté 4 motos neuves. Ce club, il démarre d'où? Parce qu'il a été, pareil, il a été mis en sommeil. Pareil qu'on a pris, on l'a mis dans une boîte à un certain moment, il n'y avait plus de motoball. Alors, effectivement, il a été mis en sommeil. Donc, c'est Jean-Pierre Mathieu, on va dire, qui a fait un petit peu l'ossature jusqu'à un certain niveau. Et puis, disons, moi, j'ai fini ce que Jean-Pierre avait créé. Et c'est vrai qu'après, bon, avec beaucoup de finesse, je suis arrivé à parvenir au niveau où on est arrivé, quoi. Alors revenons un petit peu, parce qu'on va y aller doucement. On va commencer à monter en puissance. Si je me souviens, les frères Mathieu jouaient à Monteux. Jean-Pierre était le président. On avait un entraîneur. On a fait venir Alain Lempereur. Tu arrives au président. Et après, l'histoire pour aller chercher, pour convaincre celui-là qui est derrière toi, qui a été un grand joueur et qui est devenu peut-être un grand entraîneur maintenant, j'en doute même pas. Alors, c'est vrai que Thierry Lafond. Voilà, Thierry Lafond, donc je le connais. Pour le faire revenir, pour lui dire, tiens, viens, et puis après, attirer tous ces grands joueurs qui ont porté le maillot de l'équipe de France pour les faire revenir à Monteux aussi. 10 ans, c'est facile. Voilà, Thierry, je le connaissais donc de vue. Donc après, par personne interposée, donc on a bien discuté, on a sympathisé. Et puis après, on a parlé un petit peu d'objectifs et ce que je voulais faire avec le club de Monteux. Bon, il a de suite adhéré, car vous savez qu'entre sportifs, on n'a pas besoin de dire 50 choses, on se comprend de suite. Et donc, je lui ai fait 100% confiance sur les joueurs. avec Alain Empereur qui lui s'occupe un petit peu de l'intendance. Et disons, chacun a son rôle et on n'empiète pas les uns sur les autres. Voilà. Parce qu'il faut avoir quand même du tact. Hein. On va rester pour le moment sur les entraîneurs, après on viendra sur les joueurs, la qualité de ce groupe et cette envie d'écrire quelque chose ensemble. Alain Empereur était un entraîneur, si je ne me trompe, sur ce moto, le motoball. Au tout début, oui. Oui, parce que alors lui, il a écrit déjà des pages au football. Hein. Quand on parle d'Alain Empereur, j'ai pas besoin, moi, de sortir le checklist. Hein. Les gens me rafraîchissent la mémoire, mettent le classeur à jour en même temps, en me disant tout ce qu'il a fait dans le football. Il est venu au motoball, il est entraîneur, et à un moment, on y a dit, tu peux être meilleur à, comment on dit, manager général, et laisser la place à... Bon. Et ça a été alors, fabuleux. Pour tout vous dire, voilà, Alain est un très bon préparateur physique, et c'est vrai qu'avant de venir à Monteux, donc il ne savait pas ce que c'était le motoball, et c'est vrai que pour être entraîneur de motoball, il faut déjà avoir un certain vécu, sinon les joueurs ne peuvent pas adhérer. C'est-à-dire, il arrive un moment où il y a des choses que si on n'a jamais fait de motoball, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas l'expliquer, et donc on ne peut pas travailler de tactique. Et il s'avère que, bon, on n'apprend pas Thierry Lafond, un singe à grimacer. Il a tous les vis, toutes les ficelles, et son vécu, donc, fait... Et il a du caractère aussi, non ? Beaucoup de caractère. D'accord. Après, ça plaît ou ça plaît pas, mais moi, ça me plaît. Ah, il dit les choses, ça vexe les joueurs, mais il dit les choses qui sont vraies. Après, si certains joueurs ne se mettent pas en question et qui n'écoutent pas ce que Thierry leur dit, parce que tout ce qu'il dit, c'est très vrai, ben, tant pis pour eux. Après, à eux de faire leur choix. Et puis, des fois, ils vont au clash eux-mêmes. Mais c'est là-bas, ils avaient écouté Thierry au tout départ, ils n'en seraient pas où ils en sont aujourd'hui. Voilà. Et après, des fois, quand on est sur la touche, il faut savoir se remettre en question, travailler, remettre le bleu de chauffe pour être meilleur. Voilà. Président, vous voulez être champion d'Europe ? Champion d'Europe, je pense que... Vous voulez jouer la Coupe d'Europe ou quoi là ? Ben, parce que moi, écoutez-moi, désolé, c'est mauvais ce que je vais dire, Président, excusez-moi, Monsieur Palaillé. Mais je vais me retourner vers le capitaine David Fraisse et je vais lui dire... Stéphane, David, c'est l'autre. Oui, Grima. Stéphane, capitaine de cette équipe, champion de France quand même, parce que il est dur le président là, il dit... Ouais, mais là il fait le costaud, mais ça va aller voir après. On revient président quand même, champion de France quand même, il faut... L'année dernière, vice-champion de France. Voilà, en deux ans, vous avez quand même passé un cap. Voilà, on a passé un cap. Bon, après, c'est vrai qu'on était quand même deux fois finaliste, vous savez, c'est compliqué. Sur un match, tout peut se passer, on était quand même régulier. Moi, je peux dire aujourd'hui, on est la meilleure équipe en France, puisque sur la régularité, ça, voilà. N'oubliez pas ça, que vous êtes une équipe, qu'on appelle ça, qui sait jouer tous les matchs. Malheureusement, il y en a qui savent jouer des matchs de coupe. Maintenant, je vais vous dire une chose. Donc, Camaré, sur les deux finales, ils ont eu la chance du champion. Nous, encore, sur cette dernière finale, on a fait 7 poteaux dans tout le match, dont 4 au premier quart-temps. Ne serait-ce que si on met un but... Toute la physionomie du match aurait été changée, mais bon. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Monteux, mon cher président ? Parce que ce soir, on parle bien sûr de Monteux. Alors, ben forcément. Est-ce que vous avez fait la procession de Saint-Jean ? Parce que je pense, peut-être, là, ça vous aurait pu vous apporter, puisque à Marseille, quand il perd, il monte voir la bonne mère. J'ai voulu le faire. Moi, je suis allé à Lourdes, ça ne m'a pas porté chance samedi soir. J'ai voulu le faire pour aller au Ventoux, parce que c'est les montagnes que j'adore. Ça ne m'a pas porté chance, donc Saint-Jean va un petit peu oublier. Hein. Ah, bon, comme vous voulez. Bon, on va passer un petit peu avec David de cette saison. David de cette saison, venir à Monteux. Il y a deux ans que tu es venu ici. Il y a deux ans que je suis revenu. Ouais. Tu es revenu pour le projet du président et de Thierry Lafond. À la base, pour retrouver mes potes. Ouais. Je les avais un peu perdus de vue pendant deux ans. J'ai arrêté pendant deux ans. Et le coach aussi, quand il m'a demandé, parce qu'on se connaît très bien, on se connaît depuis très longtemps. Ouais, tu savais qu'avec Thierry, ce serait pas simple quand même. Parce que je le connais, je sais le caractère qu'il a. On va y venir, on va le faire asseoir deux minutes après. Je sais le caractère qu'il a, donc je le connais. Il n'y a pas de souci avec ça. Et le projet te plaisait de ouais, de le projet me plaisait parce que j'ai joué avec Grégory Grandjean et Stéphane Vergini il y a 7-8 ans à Valréas pendant 6 ans. Donc, quels ont été les mots forts du président ou peut-être de Thierry? Comment ils t'ont dit tu reviens à Monteux, mais c'est un titre qu'on va essayer de décrocher, ou peut-être on va essayer de faire les trois, quoi. Déjà, pour moi, à la base, de revenir, c'était très fort, parce que j'étais parti sur une grosse, grosse blessure, où j'ai arrêté pendant deux ans à cause de cette blessure. Tu croyais pas revenir à ce niveau-là ? Je pensais pas revenir à ce niveau-là. L'année dernière, Thierry m'avait mis l'objectif de revenir à un petit niveau. Et cette année, je pense, s'il est d'accord avec moi, que je suis revenu à un très, très bon niveau. Donc, je suis fier. Peut-être j'arrive. Non, moi, ce qui transpire de ce truc-là, et on les a reçus l'an dernier quand ils étaient vice-champions de France. Et je me souviens très bien quand ils ont dit, de toute façon, l'année prochaine, on sera champion. Il n'y a pas 40 000 solutions. Les grandes équipes font ce qu'elles annoncent en début de saison. Eux l'ont fait. Et ce qui transpire, c'est ce groupe-là. C'est quand tu écoutes Grima qui raconte qu'il est surtout revenu pour ses potes et pour des mecs. Fraisse, c'est pareil. Je l'ai vu samedi soir, il était hystérique, mais juste parce que. Non, mais. Il a fini la soirée avec l'arbitre en train de boire un canon, parce qu'il a forcé une lettre des cartons et tout. Par contre, je ne sais pas si on va partir en vacances ensemble, mais. non, mais ça démontre un truc, et quand on voit le boulot des mécanos et des personnes qui sont là. Tout le monde va y passer. Hein. Mais ça démontre un truc, c'est que y a une histoire d'hommes et de femmes, mais il y a une histoire d'amitié, d'hommes, de. C'est une famille, quelque part. Voilà, c'est écrire une histoire ensemble, c'est vivre ensemble, parce que le motoball, c'est un club familial. Hein. C'est le fameux supplément d'âme dans lequel tu peux aller piocher quand tu es en difficulté, quel que soit le sport d'ailleurs, mais là, chez eux, c'est poussé à l'extrême, on dirait. Et quand tu es en difficulté, c'est là-dedans que tu vas piocher pour récupérer de la force. Et ben voilà, bravo, messieurs. Et le capitaine ? Parce que toi, toi aussi, tu as joué un petit peu de partout. Oui. Monteux, c'est Thierry Ngor qui t'a. Monteux, c'est là où j'ai commencé. Et tu avais envie toi aussi d'y revenir et de. Déjà, parce qu'il y a mon frère, Loulé Anto, depuis qu'on est né, on se connaît. Bien sûr. Dave, lui, je le traîne mal partout, celui-là. Ah, et puis après Eric, voilà, c'est pareil, ça fait. Et tu n'as pas eu peur quand Thierry Lafond, on t'a dit, ça va être l'entraîneur. Tu sais comment il est, puis tu vas y revenir parce que j'en ai pas dormi, je t'avais dit. Tu m'étonnes. C'est pareil, c'est mes premiers tours de roue sur le moto, celui qui me les a fait quand il jouait. Et c'est lui qui t'a fait tomber aussi. Les grognards, on les connaît, même sur le en principe. Comment ils sont grognards quand ils sont entraîneurs, quand ils étaient joueurs, c'est. Nous, comme on est tellement des grogneurs, il nous fallait un entraîneur grogneur. Exactement, oui. Thierry Lafond avec nous ce soir, cet entraîneur. Alors Thierry, tu as entendu, tes joueurs. Ah ouais, les joueurs ils sont comme moi, c'est des gagneurs, donc moi je suis obligé d'entraîner des gagneurs. C'est quoi cette passerelle au motoball qu'il y a entre l'entraîneur, joueur, être un entraîneur et sentir à un certain moment ce qui ne va pas dans une équipe, parce que comme tu as été joueur, tu ramènes un petit peu tout ça, ton expérience en tant que joueur, en tant qu'entraîneur aujourd'hui. Ouais, mais bon, il y a un respect mutuel. Bon, après, ils savent que moi, je suis un gagneur, c'est des gagneurs aussi. On a un challenge, on a plein de gens qui travaillent autour de nous. Donc après, comme on est dans le sport, on est dans la vie. Donc moi, je leur ai dit, voilà, si on veut vraiment aller chercher quelque chose, il faut faire les efforts. Ce début de saison, 4 points de retard, est-ce qu'on peut faire un brin d'histoire? Parce que j'ai, malheureusement, à force de frotter dans tous les sports, là, pour le moment, j'ai des trous de mémoire, peut-être Jean-Yves, il en a un. Les 4 points sont venus de la saison 2015. D'un problème d'école de motoball, c'est ça? Il y a une catégorie qui n'était pas. Non, sûrement, je pense que moi, mon peu personnel, c'est la mafia française, c'est tout. On a le motoball qui ne nous aimait pas et il ne voulait pas qu'on soit champion de France. Donc il fallait bien qu'il trouve des ficelles, des amendes, des points. Et voilà, donc ils ont profité que mon président est gentil, mon vice-président est brave, et voilà, pour nous mettre 4 points, parce que c'est 4 points. Ça n'aurait pas fait avec toi. Avec toi, ça n'aurait pas fait une discussion. Non, moi, la saison, on n'aurait pas commencé parce que les 4 points, je ne les prenais pas, moi. Ah, parce voilà, le problème, c'est qu'ils savaient qu'on avait une équipe qui était. Voilà, et qu'on allait gêner. Et dans le motoball français, on veut garder cette hiérarchie, puis nous, on les a gênés, voilà, comme on est les enfants terribles du motoball. Nos dossiers à Paris, il est sorti avec des transpalettes, ça les gênait qu'on aille chercher le titre de champion de France. Mais alors, par contre, j'adore ce discours. Vous avez perturbé tout compte de fait cette année. Ouais, mais c'était notre motivation, parce qu'on s'est rendu compte, cette année, ça s'est très très bien passé, parce que les garçons, ils ont joué le jeu. Mais l'année dernière, des sanctions, des bricoles, des arbitres qui nous sifflaient des trucs qui étaient aberrants, et nous, on allait sur les autres stades et on voyait pas les mêmes choses. Donc les garçons, tout ça, ils en ont pris conscience, et au bout du compte, on a été obligés de se souder si on voulait faire quelque chose, parce qu'on savait très bien que on allait pas nous faire de cadeaux. Ouais, Thierry, revenons à cette première phase de championnat, 4 points de pénalité dans ce challenge sud-est, est, c'est ça, ou sud-est, sud-est le groupe sud et nord, ouais. Vous sortez premier ou deuxième du groupe on sort deuxième avec un point de retard, mais on était parti avec 4 points de moins. Donc, alors, Alors les petits murmures que j'ai entendus, hein, parce que je voulais dire aussi, parce que il y a pas que mon deux qui parle, Carpentras, les voisins, ils vous adorent. Eux aussi se sont dit quand ils vont passer avec les équipes du Nord, la musique ne va pas être la même. Ouais, mais le problème, c'est que la musique a été la même, et peut-être même mieux. C'est là où j'ai apprécié le groupe surtout, c'est que dans ces poules sud, on a profité du groupe. Et tout le monde a eu son temps de jeu, tout le monde a joué, et puis on a pu mettre en place vraiment ce qu'on voulait. Donc moi je savais qu'après, dans la finition, ben, les garçons, quand ils allaient rentrer, ils n'étaient pas perdus, parce alors, que le système, il avait. J'ai rien contre cette équipe de Carpentras, hein, mais je me souviens, l'année dernière, j'étais venu aux premières journées de championnat, Carpentras était venu gagner sur le terrain des confines, je me trompe ou pas, le premier match. Oui, ben, ils jouent. Alors cette fois-ci, vous avez gagné ici, puis vous êtes allé mettre la rouste là-bas. C'est un petit peu, là j'ai dit là, il y a quelque chose qui a changé. La donne n'est plus la même. Oui, parce que moi j'ai voulu les sortir de ce contexte-là. Le problème c'est qu'ils jouent leur Coupe du Monde contre nous. Voilà, ouais, quatre fois. Non mais c'est ça, ce qui s'est passé, c'est que là j'ai dit, il y a quelque chose qui a changé dans cette équipe. Oui, mais parce que... Elle est parce capable que de gagner n'importe où. Le truc c'est que voilà, il fallait qu'on fasse abstraction de Carpentras. Nous, notre championnat, c'est pas Carpentras, c'est le championnat de France. Et te connaissant maintenant, je te vois faire, je te vois évoluer là depuis quelques temps. Est-ce que tu t'es pas servi justement de cette histoire, de ces quatre points, de personne nous aime, tout le monde est contre nous, pour construire ton groupe autour de ça et en faire ta force pour la saison? Si, j'étais obligé parce que les garçons, ils étaient touchés aussi. C'est eux qui prenaient des cartons à tout bas, c'est eux qui... Et les garçons, ils l'ont bien compris. Hein. On a eu une saison où, oui, on a joué là-dessus. T'as joué beaucoup là-dessus. Oui, parce que les garçons, ils savaient très bien qu'on allait encore nous tuer. Hein. Et si on n'avait pas mis, et là où je les en remercie, c'est dans la discipline. Après, voilà, on peut me dire les deux finales. Mais moi, là où je suis content, c'est que les deux finales, on a fait du sport. On est allé au bout de nos finales. Il n'y a pas eu d'histoire. Et on a fait voir à la France entière qu'on savait faire des matchs de motoball. Après, défaite, victoire, c'est sûr qu'on veut la victoire. Mais on a fait voir que le club de Monteux, c'était un grand club. Et s'il y a eu un match aller-retour, tiens, sur une finale, parce qu'on a déjà vu ça dans d'autres sports, je ne sais pas si Camaré pourrait se targuer d'avoir gagné deux fois, parce que je pense que, comme vous êtes une équipe à réaction, je pense qu'il est sur la régularité. Il n'est pas dit que si on le faisait deux fois le match, il gagnerait cette fois-ci. Qu'est-ce que tu en penses, capitaine? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il gagne. Voilà, on change les crampons, là, on met des crampons fer, on y va. Ouais, ce soir, il faut un sourire quand même, parce que bon, champion de France, toi aussi, cette année, quand tu es parti avec ces 4 points, comment tu as géré un petit peu cette saison? Qu'est-ce que tu t'es dit? Bon, pour moi, c'était un excitant. Tu me mets 4 points de... Pas de problème, on y va. Alors nos confrères de la presse disaient que Rochecourt était l'équipe intouchable, l'équipe qui allait renverser tout le monde. Ils n'ont pas trop pesé lourd, Ben, c'est à l'inverse de nous. C'est une équipe où il n'y avait pas de banc. Et donc, oui. Motoball, c'est long, une saison, c'est très dur. Et ben, du coup, ben, ils ont craqué. Voilà. Que nous, voilà, on avait 4 titulaires, semi-titulaires, on va dire. Mais il y en avait 4 sur la touche qui étaient capables de faire la différence aussi. Donc, et vous savez que vous étiez un petit peu les vieux? Excuse-moi d'employer mot, mais certains ils disent ah, l'équipe de Monteux, l'équipe de vieux. Ah oui, non, ben nous avons. Ça aussi, ça rend pas un petit peu la cagne, ça nous rend pas un petit peu la rage. Tu merdeux, je vais te montrer. Hein, bam, non, mais c'est un peu ça, quoi, j'arrive, tiens bien. Mais non, aussi. Mais moi tu le sais, Fred, il n'y a rien qui me plaît plus justement que ça, là, que quand ça se joue au mental, quand il faut sortir le matériel et de dire ben voilà, vous êtes contre nous. Ça nous plaît pas, ça vous plaît pas ce qu'on va faire, et ben on va vous le faire, et en plus on va vous le faire bien, et quand on l'aura bien fait, on vous fera savoir qu'on vous l'a bien fait, et coucou, vous allez charger, voilà. Et c'est pour ça que cette équipe là me plaît, c'est parce que ça se fait au mental, et un groupe, une belle saison, ça se construit aussi là-dessus. David Grima, toi aussi. Je suis tout à fait d'accord, c'était une source de motivation, quoi. Dans nos têtes, on a tous 20 ans, hein. Plus de 35 ans, ben, dans nos têtes, on a 20 ans. En parlant de ça, quand on joue à Carpentras, nous, on nous a, entre guillemets, virés. On nous a dit, les vieux dehors, on va monter une équipe de jeunes. Ben, l'équipe de jeunes, ils ont perdu contre nous, et nous, on a fêté notre titre contre eux. Ça a été la plus belle demi-finale. Ouais, je sais, ouais. Je crois que ça a été, on a été au courant, parce que, on va parler avec parce que peut-être que, messieurs, même que vous avez pris un petit peu de lâche, on va demander à celui-là qui s'occupe du physique, là, Alain Lempereur. Alain, qu'est-ce qu'il va falloir changer l'année prochaine? Attention, il va dire des bêtises. Oui, non, mais attention, parce que lui, c'est monsieur, hein, on le sait. Hein. Ah, oui. Alain. qui va changer, je ne sais pas. C'est que c'est, il est quand même difficile de faire une préparation physique avec des garçons qui ont dépassé la quarantaine et qui ont des genoux fatigués, un dos fatigué. C'est quand même extrêmement difficile. Mais ils ont quand même encore l'envie, surtout cette ruse aussi, un petit peu, parce que c'est pas simple. Motoballon, c'est pas donné à tout le monde, quoi, non plus. Ben, il vaut mieux après travailler plus sur la récupération et les faire bosser quand ils se sentent bien. Et je crois que c'est ce qu'on a fait en fin de saison. Ceux qui avaient mal, ils se reposaient et le samedi, on pouvait compter sur lui. Ce qui mettait les nerfs à d'autres équipes, c'est qu'il y en a qui faisaient des tours de terrain en courant et lui faisait un tour de terrain en moto. Et ça les a énervés souvent. Ben chacun son choix. Hein, et on est un peu corse, nous, on est feignants. Le problème à la sortie, vous gagnez. C'est ça le problème. Non, est-ce que c'est ça? Non, la préparation, elle a été surtout très importante en début d'année au mois de janvier, ouais. Où on a fait 5 semaines extraordinaires en gymnase ici à Monteux. À partir de là, pour nous, la préparation, elle était déjà bien en place. Puis après, je crois que c'est pas moi qui vais dire à Grandjean à 45 ans, va courir, tiens là, non? Ah non, je pense pas. Je crois que dans ce domaine-là, chacun est capable de se gérer. Et puis voilà, comme on dit, on la monte sur le terrain, point. Hein. Tu as senti cette évolution en 2 ans, surtout l'année dernière, vice-champion de France. Et cette année, champion de France, au départ de la saison, tu t'es dit, on va faire quelque chose. Est-ce que ça a germé dans ton esprit, bon, Alain? Je suis sûr que tu étais convaincu, mais est-ce que tu t'es dit, cette année, je sens que c'est la bonne année? Mais j'ai pas douté un seul instant. Ouais. J'ai pas douté un sens. Oui, je me suis dit que c'était ou là ou jamais. Ah, voilà, c'est ça que je voulais. Il faut pas rêver. C'est ou là ou jamais parce que on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Et avec l'équipe qu'on avait, et je tiens à insister, Steph, il a dit, je vais aussi le redire derrière, le banc a été extraordinaire. Quand Thierry faisait des choix et que j'en assume autant la responsabilité pour lui, quand Grandjean a repris, parce que Grandjean s'est fait opérer, donc on n'a pas eu Grandjean pendant 4 mois, il est revenu, il est resté 2 mois sur le banc, je trouve déjà extraordinaire de la part d'un garçon comme lui. Et celui qui a commencé, ben, il était aussi bon que Greg, et Greg en fin d'année il a été extraordinaire. Tiens, on va revenir avec Thierry, ça a été compliqué tout au long de la saison de tenir tout le monde un petit peu en haleine, ce groupe, parce qu'on sait toujours qu'il peut y avoir des différences en se disant, il me laisse moins de temps de jeu, il me laisse sur le bord de touche, il ne me fait pas jouer aujourd'hui, il a pris lui. C'est pas évident pour les garçons, parce que bon, j'avais pas 10 joueurs, j'en avais 12. Hein. C'est ça. Donc, j'avais 3 gardiens. Il y en a que 5, il y en a 4 sur le terrain. Que je fasse des choix, et à ce niveau-là, c'est dur, parce que tout le monde méritait. Surtout pour la finale, à la finale, tout le monde méritait de jouer cette finale. Après, c'est vrai qu'on ne veut pas de blessés, on ne veut pas de suspendus, et là, c'était difficile. Après, j'ai essayé d'être le plus droit avec tout le monde, on a eu un discours qui a été clair, et puis les garçons, ils l'ont compris. Voilà, c'est ce qui a fait la force de cette année, c'est le groupe. Hein. Après, il y a les patrons, mais les patrons, je ne leur ai pas fait la vie belle. Et par contre, les autres derrière, ben, c'était des morts de faim. Je pense à un gars comme Ludo Raquet, à l'âge qu'il a, c'était un patron à Robion, il est arrivé, un rôle de remplaçant... C'est un bout en train de l'équipe, c'est un gars qui, voilà, et il transpire l'agnac, et ben c'est grâce à tous ces garçons qu'on est allé au bout, et je pense que tout le monde en est conscient. Hein. Tu as participé au recrutement, tu avais envie d'avoir certains joueurs dans cette équipe, tu as fait part au président, parce que je pense que, bon, je veux dire, le président, c'est lui qui a le dernier mot, mais un entraîneur a toujours un œil à viser sur des joueurs qui peuvent fédérer le projet et qui peuvent se marier avec d'autres joueurs et qui vont avoir la même rentabilité. Ouais, mais on avait des amis de longue date, hein, qui sont Grégory Grandjean et Stéphane Vergini. Et on savait qu'avec Stéphane, Loïc, David, tous les garçons, tous, on savait que si on arrivait à avoir ces garçons avec nous, on allait prendre une autre dimension, parce que c'est des messieurs. Après, c'est pas moi qui allais la prendre à Stéphane ou qui connaissait déjà Greg. Voilà, c'est des professionnels, c'est des gars qu'on savait que si on faisait le boulot, on pouvait aller très loin. Alors on dit que dans les défaites, on grandit, parce que les défaites servent à rebondir. On va parler maintenant de défaites. Cette Coupe de France, 3500 personnes, le stade noir de monde comme je n'ai jamais vu au confinement. Une finale de la Coupe qui devait être... Très, très, très dur pour nous. C'est quoi les joueurs, qui l'a manqué? ce qui nous a manqué. Parce que là, peut-être il faut retenir des choses. Quoi. Voilà, mais peut-être que les joueurs, quand on est arrivé, on ne s'est pas senti chez nous parce qu'on avait l'impression d'être dans un autre stade. Que c'était magnifique ce que les dirigeants nous avaient fait. Mais après, il faut penser que voilà, Monteux doit marcher avant de courir. Et nous, sur le terrain, on n'a pas donné. Par contre, les dirigeants, c'est énorme ce qu'ils ont fait. Et pourtant, on en a fait beaucoup des finales, quelques-unes. Stéphane, peut-être, on peut répondre, ou David, sur cette finale perdue, cette Coupe de France, perdue à domicile. Parce que, je veux dire, on retient, une défaite, il n'y a rien à faire. On a toujours des images, on a toujours des choses qu'on aurait pu améliorer et qu'on se dit, c'est comme quand on se brûle les doigts la première fois, on se dit, il faut faire attention. Ben, c'est simple, sur quatre périodes, on en a joué une et demie. Donc c'est que... C'est le mental, tu penses, Thierry? Ouais, c'est avant le match qu'ils ont joué le match? Bien sûr, parce que moi, les garçons, je vois, et les garçons le savent très bien, on a fait un match de fou au Suma de Troyes. On était attendus devant 1600 personnes. Les garçons, ils sont arrivés. Moi, les garçons, ils me disent jamais on perd ici. On n'a jamais perdu. Et là, ben voilà, c'est final. On avait... Puis dans le monde sportif, on sait ce que c'est. On avait du plomb dans les chaussures. Et puis on n'y était pas. Et puis voilà. Ouais, c'est un petit peu la même chose que ce qu'on a vu samedi soir, c'est-à-dire que ils sont pas vraiment dans le coup, ça gamberge beaucoup. Cette histoire d'amitié là, c'est à double tranchant. Hein. C'est quand c'est dur, soit ça passe et tu fais des choses extraordinaires, soit le moindre grain de sable peut enrayer la machine. C'est ce qui s'est passé en finale de la Coupe, le premier but. En finale de la Coupe de France. On était à la Coupe de France. Ouais, ouais. Mais c'est la même chose. Et c'est le même déroulement, si tu veux. Et s'ils marquent d'entrée en finale de la Coupe de France contre Camaré à Monteux, eh ben, on les voit plus jamais. Ils tapent deux fois sur la barre, ça rentre pas, les autres marquent. Et ça y est, le grain de sable est dans la machine, tu vois. Messieurs, une question aussi qui revient dans un autre sport, et le motoball est concerné aussi. On se dit que des fois, le palmarès fait que ça peut faire un rappel, hein, parce que Camaré a un gros palmarès dans le monde du motoball. Je me trompe ou pas Est-ce que ça peut jouer historiquement, ils en ont autant. Non, mais on parle du club. Non, mais là c'est vieux parce que le palmarès de Camaré, il est magnifique, mais il y a des années que nous on n'a pas connu. 26 ans, voilà. Parce qu'au rugby, pour parler juste un petit peu rugby, parce que nous on est un petit peu, on va dire, spécialiste de ça. Clermont-Ferrand, tant qu'ils n'ont pas eu gagné le morceau de bois, j'avais vu un supporter, il m'a dit, on est des puceaux. Tant qu'on ne sera pas dépucelé, qu'on aura un morceau de bois dans les mains, et bien on sera champion de France. Alors ils font des saisons de folie, Clermont-Ferrand. Mais ils ne gagnent jamais le morceau de bois. Ils sont toujours des diamants. Sauf que même après être dépucelé, ils ne sont pas retournés au quinquain. Oui, alors non, que. Bon. Et oui, mais. Non, mais bon, c'est ça que je veux dire. Non, mais c'est des. Je reviens sur cette histoire d'hommes, parce que pris séparément, tous ces mecs-là, ils ont rien à envier à personne. Stéphane, combien de caps en équipe de France? Deux. Et David? Deux championnats d'Europe. Rien que ça, ouais. Non, rien que tous les deux. Non, mais c'est pas l'armoire qu'il faut avoir. C'est pour ça. Après, voilà, probablement que. Enfin, je les ai vus toute la saison. Je suis venu quelques fois. J'ai vu des mecs avec un œil différent. Et ils n'avaient pas cet œil-là le soir de la Coupe de France. C'était, ils étaient presque un peu en dedans et ils avaient la même tronche que samedi soir quand on a fait du match. Là, je pose la question à l'entraîneur. Est-ce que demain on rejoue encore une Coupe de France? Qu'est-ce que tu garderas et qu'est-ce que tu essaieras d'améliorer? Si des fois on schématisait. Parce qu'on a essayé de changer les mémoires, non? Non, mais on a changé par rapport à pour la finale du trophée, on a changé des choses par rapport à ce qu'on avait fait à la finale de Coupe de France. On a changé des trucs. Voilà, mais bon, après. Les garçons, après, ils le savent, c'est dur pour eux parce que moi, je les vois à l'extérieur. Et on n'a pas réussi, cette année, malgré notre titre, à développer le jeu qu'on a réussi à développer à l'extérieur, à se lâcher, à faire voir à nos dirigeants, à nos spectateurs, à nos familles, comment on joue à l'extérieur. Voilà, on a fait des matchs à l'extérieur qui étaient magnifiques. On parce a... que moi, il était là pour me le dire, excuse-moi, je te coupe encore la parole. Cette finale de Coupe de France, je me suis dit, messieurs, j'ai pas envie de vous le dire, il y aurait eu le loto sportif, j'aurais mis 50 euros. Parce que j'ai dit, ouais, mon frère, Camaré, ils vont les atomiser. J'aurais mis la ferme, moi, direct. Mais tu sais, Fred. Peut-être que c'est ça. C'est peut-être qu'on s'est vu trop beau. Moi, je pense que c'est ça. Je pense qu'on avait gagné le match avant de le jouer. Et on est arrivé un peu endormi. On était allé gagner chez eux en championnat 3-1. 6-0 chez nous, on avait fait jouer entre guillemets que les remplaçants. Oui, j'étais, ouais, donc bon, on s'est dit, c'est bon. On avait tué tout le monde, on s'est dit, c'est fait. Sauf que non, c'est pas fait. Surtout que le match de très très haut niveau. Vous avez rendu hommage au motoball ce soir-là, parce que même les personnes, l'EBDA qui sont venus voir ce match, ils se sont régalés. Le premier et le deuxième tiers-temps de très très haut niveau. Ah, mais c'est ce que j'ai dit aux garçons et par rapport au club. Hein. Le club, il a grandi là-dedans, c'est qu'on a su faire des gros matchs. Après, la défaite fait mal, ça c'est sûr. Mais bon, les garçons, ils avancent aussi, hein, malgré l'âge. Ton objectif, rappelle-toi, en début de saison, tu m'as dit 1 sur 3. C'est fait. Ouais, 1 sur 3, et que j'allais faire un sophrologue. C'est ce que j'ai fait. Ça y est, il fallait qu'il finisse par une connerie. Ça, c'est Thierry. Quand tu lui avais demandé ce dont il avait besoin pour la saison à venir, donc la saison qui vient de se passer, il t'avait dit une période de psy, ben voilà, on y est. Tu vois ? On va venir avec le président, parce que maintenant on va parler un petit peu de l'avenir, mais on va venir un petit peu avec les mécaniques. Messieurs, une saison terminée, quel sera votre travail maintenant, parce que vous allez encore bosser, messieurs? Oui, on va encore travailler. Parce on est avec qui là, pardon? Denis. Ben, disons que déjà, moi, je ne veux pas me vanter, mais bon, je ne suis pas mécano de la base. D'accord. Et aujourd'hui, pour moi, la moto, c'est... Le sponsor numéro un des mécanos, c'est Resiland, les fameux Resiland plastique, là. Non, parce que... Des merdes. Disons qu'on n'a jamais mis un morceau de fil de fer sur une moto. Ça, c'est clair. Et ça, c'est beau. Ouais. Par contre, avec Claude, cette année, on s'est mis la main dans la main. Je veux dire, il n'y avait pas quatre mains sur un boulon quand on fait quelque chose à deux. C'est que chacun a sa partie, on ne se parlait pas, on savait le boulot. Et puis aujourd'hui, on est quand même bon. Parce que bon, après, il y a eu des petits trucs, des anecdotes, comme M. Grandjean, hein, qui nous a savonné pendant des mois son guidon, sa pédale. Mais c'est un monsieur du motoball. C'est ça, les insomnies qu'il y avait déjà, c'était tout le temps éclairé là-bas du côté des confines. Voilà, il y avait des mécanos qui tournaient en rond. Voilà. Et puis on était en compagnie des moustiques, c'était déjà pas mal. Hein. Mais non, mais je veux dire, c'est un grand monsieur, on est obligé de l'écouter. Bien sûr. Parce que tu as affaire à des champions. Ben Stéphane, dernièrement, il m'a dit, ma suspension, elle est trop souple. Eh bien, on s'y met, on les écoute. C'est comme ça qu'on arrive. Le prénom, parce que je suis... Denis, vous avez eu des motos neuves, quand même. Parce que là aussi, je vais rendre hommage au président Palais. Voilà, à un moment, il a dit, on achète des motos neuves, parce que d'habitude, c'est des motos qu'on... Une précision, pourquoi on a eu? On n'a pas fini d'en avoir des motos neuves. Ah, parce qu'il va encore changer les motos. Je l'avais promis une à Stéphane pour la saison prochaine. Parce que si on commence à gratter le portefeuille, on va pas s'en sortir, on va rester avec Denis. Denis, continuons sur cette préparation. Alors maintenant, le travail. Cette année, on va préparer peut-être les motos pour l'année prochaine. Hein, par contre, je veux dire, moi je remercie quand même le... C'est dommage qu'on n'a pas la caméra, je peux vous assurer. Ils sont en train de les taquiner, mais alors... Je remercie le bureau quand même, parce qu'ils nous ont fait confiance. Ils n'ont jamais été derrière nous, à nous dire, faites attention, faites ci. On a toujours fait notre boulot, tous les deux avec Claude. Bon, c'est vrai qu'on a passé des nuits. Ouais. Et bon, j'arrivais à la maison, c'est surtout quand j'arrivais à la maison. Bon, elle me disait... Il y avait souvent que le camping-car, il bougeait quand même. Ma femme me disait, tiens, encore au motoball, et bien je l'ai fait rentrer dans le bureau, mais elle ne me l'a plus dit, ça. Voilà, ça, non, c'est ça, ouais, d'accord. Voilà. Non, mais c'est l'affaire de famille, contre, pas vrai. Par contre, ce que je tiens à signaler quand même, il y a les joueurs, il y a tout le staff, surtout le staff. Alors là, moi, je vais dire, aujourd'hui, un grand bravo à ceux qui sont dans l'ombre, parce qu'ils font des choses extraordinaires. Et des gens qui vous suivent les yeux fermés. Voilà. Et je veux dire, ils vivent le motoball comme nous, alors qu'ils ne sont pas impliqués, parce que c'est des bénévoles. Bon, il y a des parents qui ont leurs enfants, tous, ils s'impliquent. Vous savez que les sports les plus créatifs, les plus embellissants, c'est là où il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de fric, il n'y a que de l'amitié, de l'amour, ouais. Et de faire les choses, et d'écrire des pages sans qu'il y ait derrière un gros chèque. Lui, il a pris 300, il a pris 500. Vous voyez ce que je veux dire? Quand tu entends parler de monnaie, c'est déjà moins rigolo. Mais là, il y a beaucoup de fraternité, il y a beaucoup d'amitié. On y vient pour se faire plaisir au motoball. À longueur d'année, on a été, je veux dire, ça a été une grosse amitié, parce qu'il faut quand même donner un coup de chapeau aux dames, c'est-à-dire à Madame l'Empereur, ma femme, la femme de Claude, c'est-à-dire Sylvie. Ils nous ont fait à manger tous les samedis soirs après les entraînements. Mais je vais te dire quelque chose... Tous les mardis. Alors, Denis, si je peux me permettre, ma femme, je peux la remercier aussi, parce qu'elle s'en fout du motoball. J'ai aimé chez moi aussi, c'est une autre part aussi d'amour. Tu vois ce que je veux dire? Mais messieurs, non, mais... quand vous faites quelque chose, donc, vous, si vous, avez, pas vous avez la chance que vos femmes vous suivent, mais la mienne ne me suit pas. Mais lui, il en a. Lui. Alors, non, mais moi, c'est juste pour être dans la partie mécanique, puisque c'est mon boulot, mais. Quand j'ai vu avec quoi il travaillait, rappelle-toi, ouais, je te l'ai dit un soir, j'ai dit, mais regardez, ces types, c'est mes idoles, parce que moi, je passe mes semaines à vendre des caisses complètes qui coûtent un bras, et eux, avec de mauvaises paies, ils arrivent à faire des miracles. Bravo, messieurs. Prends le deuxième micro, là, comment il s'appelle déjà. Denis, tu peux rester, Claude. Bon, ben alors, moi, cette saison. J'ai un peu grandi dans le motoball parce que je les ai eu en tant que cadet. Alors toi, tu es obligé de... Alors est-ce que les pilotes sont très pointueux? Est-ce qu'il faut ajuster? Il faut au niveau de la fourche, parce que j'ai vu celle de Fraisse. Dans le plus c'est la tienne. Elle est pratiquement à l'équerre, ça c'est toi qui dois le demander, non, je pense. Non. Chaque pilote a sa moto typique. Sa moto, sa hauteur. Voilà, au niveau de fourche. Ce qui me plaît, c'est juste avant de démarrer le match, tu peux me refaire la pédale de frein. Et là, combien tu as 2 minutes hein. Ouais, des fois. Stéphane, quand on est allé à Oulgato, Stéphane, il avait le cadre de coupé juste avant le match. Le cadre, la fourche coupée en deux. J'ai ressoudé juste avant qu'il démarre. Et tu n'as pas eu peur de l'essence quand même dedans, non? Ça ne marche pas. Si, on enlève le réservoir. Ah, ouais, d'accord. Ouais, j'ai ressoudé 2 minutes avant le début du match. Et il est parti. J'ai ressoudé la fourche. Ouais, c'est vrai aussi, c'est une anecdote qu'il est parti, ton prénom? Stéphane. Stéphane. Stéphane, il est parti avec la caisse à boulons et tout le long, il était en train de resserrer le réservoir tant que ça démarre. Alors, Stéphane, c'est le seul qui ne prête pas sa moto. Tous qui se la prêtent entre eux, sauf la sienne. Ah non, mais la sienne. Il n'y a pas une photo, hein. J'ai vu. C'est la première fois que je le refais. C'est la sienne, c'est lui qui la casse. La fourche, elle est bien grande et bien droite. Bon, ça leur tape de. Il n'y a pas de pub ce soir. Il n'y a pas de pub. Eh bien, Monique, si vous saviez ce qu'elle adore, la pub. Allons-y. Allez, après cette page pub, eh bien, on revient avec le motoball. Les Jaguars de Monteux, les champions de France sont avec nous. Et on était en train de parler culinaire. Eh bien, on va se retourner vers ces dames pour savoir si elles le préparent des menus spéciaux. Pour ses pilotes, pour ses joueurs du motoball de Monteux. Alors on est avec Nicole. Alors Nicole qui elle aussi fait partie. Alors intégrante, parce que tout à l'heure je crois qu'elle m'a dit que le mari il est mécano, le fils joue. C'est là-bas. Pardon, c'est comment c'est le prénom? Sylvie. Alors Sylvie, on vit. Alors on va revenir avec les menus. On va parler à Sylvie. On vit motoball tout le temps. Ouais. Obligé. La télévision, vous ne regardez pas du motoball quand, non, le soir? Non, j'en ai un autre qui joue au rugby, donc je suis le rugby aussi. Ah, vous êtes une famille de sportifs. Donc, il joue au rugby à 13. Et puis alors, voilà le truc. Jimmy Jean à Entraigues, c'est... il a fait du motoball, je pense. Il a joué. Oui, mais il a joué en cadet, justement, ce qu'expliquait mon mari. Il a joué en cadet. Il a le même cerveau qu'eux, il est équipé pareil, tu sais. D'accord. Peut-être un poil plus, même. D'accord, c'est pour ça qu'il a arrêté le motoball, parce qu'il ne pouvait pas les attraper, les types. Pour les... Non, d'accord. Non, des fois. Oui, ça. Même plus violent que son frère. Alors, qui c'est qui prépare les menus du mardi soir? Vous mangez ensemble, c'est ça? C'est moi, et il y a Alain l'Empereur qui nous aide. D'accord, alors Alain, il paraît que c'est le diététicien de l'équipe. Voilà. Et ils disent qu'il faut faire. Il me dit qu'il faut mettre. Allez, gratte-toi pas le ventre, on l'a vu trop tard. Il n'y a pas de caméra ici, tu risques rien. Tu peux très bien. J'ai arrêté la caméra, Alain. Alain, il nous dit. Il faut mettre légumes, du féculent et la viande. Il faut qu'ils aient un repas complet à chaque repas. D'accord, ça se termine. Ça, c'est ce qu'on met, et ceux qui mangent, c'est le... Voilà. La preuve, on a mangé une bonne soupe au pistou qui n'en a pas resté. Hein. Ah, mais ça, c'est bon, ça, par contre. Oui, on fait... Non, c'est le côté convivial. Quand... Alors, tous les mardis, tout le monde... On fait des repas familiaux. Tous les mardis soirs. Tous les mardis soirs. On regarde Peugeot, on mange bien. Le traceur. Le traceur est invité aussi. Ah oui, d'accord, ouais. Ah, bon, ah oui, lui par contre, il n'y a pas le régime. Non, mais j'ai rien dit. On est une équipe complète de 20 à 25 tous les mardis soirs. Ça, c'est fabuleux. Hein. C'est ce qui est la force président. C'est bien d'avoir créé ça. Hein. Ah, c'est sûr. Parce que ces repas, ça mine de rien, mais c'est tout ce qui fédère autour du club. Quoi, hein. La convivialité, l'amitié. Pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on fait dans ce club, on le sait. Ah ben c'est sûr. Bon après je reviens à la mécanique. Il faut savoir quand même que cette année, on a cassé pour 20 000 euros de pièces. Vous entendez? 20 000 euros de pièces. Je ne sais pas si les joueurs le savent. Les cours chez Palaillé ont augmenté de 2% ou pas? En 3,5. Non, je demande, Non. Sur les 20 000, il y a 10 000 de face à... Ah, c'est pour ça. Non, mais voilà, c'est-à-dire que 20 000 euros de pièces, vous imaginez les heures de travail des mécanos. Non, c'est ça. Voilà. Alors après, bon, je tiens à remercier Christian Gros, le maire de Monteux, donc qui nous a suivis. Ouais, qui était là pour la finale. Je vous remercie. Là, à toutes les finales, il a été là. Bon, il a été frustré comme moi de perdre, mais me dit Rick, c'est pas possible. On devrait gagner déjà 4-0. Bon, après, moi, ce qui m'a plu au Trophée des Champions par rapport à la finale de la Coupe de France, c'est qu'on ne regrette rien parce qu'on a joué le jeu, on a joué 4 cartons, on n'a pas été chanceux, on n'a pas eu la chance du champion comme Camaré. Et on a tout donné. Donc là, sur le Trophée des Champions, j'ai rien à dire. Par contre, sur la finale, le problème, c'est que je pense qu'on leur a fait une finale comme jamais ils ont vu. D'abord, on m'a dit, c'est la plus belle finale de motoball dans le sud en France qui a été organisée, c'était à Monteux. Grâce, bien sûr, à toute notre équipe, tous nos bénévoles. Et c'est vrai que même Christian Gros, 3 fois, il m'a dit, mais Rick, tu m'as bluffé, j'ai jamais vu ça. Et je pense que même à Monteux, même aux grandes époques de rugby, il n'y a jamais autant de monde autour d'un stade. Non, voilà. C'est clair. C'est vrai que vous avez porté haut les couleurs de Monteux, et c'est pas parce que on a fly FM à Monteux, mais il faut savoir que qualitativement, Monteux, même si c'est un peu moindre, mais vous avez relevé encore le défi, parce que vous amenez un titre de champion de France. Au nombre d'habitants, c'est là qu'il y a le plus de sportifs, qualitativement, dans tous les clubs. Après, on peut voir la différence. Bon, Camaré, ils ont fait ce qu'ils ont pu de mieux, mais on a vu quand même la différence d'ambiance entre les deux finales, entre celle de Monteux qui était à Monteux, et celle de Camaré. Ça n'a rien à voir. C'était une autre dimension. Exactement. Monteux, bien sûr, c'était l'apothéose. Et je pense que les joueurs, bon, je sais pas si Stéphane est de mon avis, mais je pense qu'eux-mêmes ne s'attendaient pas à voir ça. Je pense que peut-être ils l'ont jamais vu. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Mais le micro, on n'entend pas. Gilles, j'ai bien peur que ce soit le cas, parce qu'on leur a fait une trop belle finale, nous, de notre côté. Voilà. Oui, on a perdu à cause de toi. C'est ça. Alors, la saison 2017, comment elle va se terminer, alors, président? Quel est l'avenir? Alors déjà, je pense que... Alors, j'annonce donc à tous les Montiliens que... Bon, ça a été repoussé d'une semaine. Le 26 novembre, on va faire le défilé de Monteux en moto, et donc avec la police municipale. Donc ça sera le 26 novembre. Bien. Rendez-vous à 11h à la mairie de Monteux. On va faire deux fois le tour de Monteux. Donc il y aura la police municipale. Pas mal de véhicules pour faire la sécurité. Et il y a le club de moto passion qui vont venir, une dizaine de motos, pour arrêter les gens à tous les ronds-points, de manière à ce qu'on sécurise l'événement au maximum. Et Christian Gros donc va faire une cérémonie de remerciement et un buffet donc pour remercier tous les joueurs, tous nos sponsors et tout le staff de Monteux, car il est venu toute la saison régulièrement. Ils nous suivaient, et puis les gens qui n'aimaient pas le motoball, ils disaient arrêtez, regardez, venez à Monteux, ce qu'ils font c'est exemplaire, je ne veux plus entendre quelques mots que ce soit sur le motoball, ils sont exemplaires. Et Christian, je t'en remercie encore de... Mais sachez quand même que vous avez marqué les esprits, parce que je peux vous dire, une personne m'a appelé qui n'a rien à voir avec le motoball, m'a demandé l'heure précise de la Coupe de France quand vous avez joué, pour y être, pour assister à ce match. Mmh. Et je peux vous assurer que ce personnage est plutôt rugbystique, il est même très implanté dans le rugby. Et bien il est allé voir du motoball parce que Monteux jouait la Coupe de France. Ouais, perdu. Il avait qu'à regarder la page Top Chrono de Fly FM. Et il s'en fout de la page de Top Chrono. Il m'a téléphoné personnellement à moi pour me demander l'horaire. Je lui ai dit l'horaire, il est venu. Ça veut dire que vous avez fédéré des gens qui n'était peut-être pas du tout adepte au motoball. C'est important, ça veut dire que l'image qui est reflétée est belle. Je vais en citer un, Pierre Ruel, donc Coxy Marquette à Monteux. Il est venu pour la finale, bon bien sûr, il était dans le coin VIP, et il m'a remercié 10 fois, et il me dit, vous aussi bien sûr, vous y étiez. Mais je parle de quelques... Toi tu viens souvent, mais Pierre, c'était la première fois qu'il venait, il me dit, mais Rick, je reviendrai, je me suis régalé, on me le disait, je ne m'attendais pas à ça. Il me dit merci. Bon, après, c'est vrai qu'on a fait quand même plaisir aux sponsors, puisqu'on avait un podium VIP, on a offert du champagne toute la soirée. Mais cette fête aurait été encore plus belle si on l'avait gagnée. Voilà. Alors, parlons de 2017, il nous reste 2 minutes. Il y a déjà plus d'une heure qu'on parle de tout ça ensemble, tout le monde est passé. Nicole, non. Mich-Mich, il n'a pas parlé. Mich-Mich n'a pas parlé. Mich-Mich. Bon, Mich-Mich, son rôle, c'est quoi, Mich-Mich? Alors, on va dire. Non, voilà. C'est vrai que. Non. C'est déjà le plus fidèle. Je sais pas, on va l'appeler Mich-Mich. Oui, Mich-Mich. Alors, c'est Jean-Michel Delgado, voilà, pour le citer. C'est vrai que à son niveau, donc il apporte beaucoup au club. Donc voilà, c'est l'homme à tout faire. Il est dévoué pour tout. Donc j'ai un grand respect pour Jean-Michel. Et en fait, on va dire, le motoball, c'est sa famille. C'est-à-dire, il s'investit à 1000%. Il fait des fois des bêtises, mais bon, il le fait exprès et des fois pas exprès. Mais président, je vais vous accélérer parce que le temps nous précise. Non, bien plus, alors, non mais par contre, un grand merci à Jean-Michel. Une minute. Voilà. Une minute. Il fait 2017. Oui. Parlons de 2017 parce que là, on a parlé de tout. Juste une chose, après cette présentation qui va avoir lieu, le tour de ville à Alors, le 26 novembre. Est-ce qu'il est prévu une soirée? Est-ce qu'il est prévu quelque chose après? Alors, pour le moment, si vous voulez, donc on va fêter ce titre, on va faire ça. Donc déjà nous, il va falloir qu'on fasse deux réunions, l'assemblée générale. Il va falloir qu'on mette ou qualifie certaines choses. Donc on est en train de préparer donc la saison prochaine 2017. Donc ça, on est en train de faire un petit peu dans l'ombre. Et quand on aura beaucoup plus d'infos, ben si vous voulez, on viendra ici débattre de tout ce qu'on a vu avec Alain et Thierry. Voilà. Par contre, c'est vrai que pour nous, étant champion de France, même pour le sponsoring, ça sera plus facile d'aller taper à des portes pour avoir un petit peu plus d'argent. Allez, je vous taquine, parce que bon, pour l'argent, ça on verra plus tard. Thierry Lafond restera entraîneur. Ben, je vais tout faire pour qu'il reste. Alors bon, je tiens. Il y a eu des incidents regrettables. Vous changez pas de voiture chez Paris? Ah, tous les ans. Ah bon, non. Thierry, alors, je tiens à dire que Thierry Alain, donc on fait un trio, on se complète. Moi, d'accord, J'adore la personne. Je vais tout faire pour qu'il reste. Le je capitaine restera à Fressin. Et bien sûr. Bien sûr. Ouais, voilà. Alors aussi. Bien sûr. Aussi. C'est magnifique. Hein. Le traceur sera là. Excusez-moi, président, mais parce que l'heure tourne. On sera tous là. Vous serez tous là, les mécanos. Vous avez du boulot on va dire tout l'hiver, vous. Les motos, vous ne les changez pas en gros. Si, on va en changer une sûre, peut-être deux, on va voir un petit peu. Voilà. Merci, président. Merci. Et c'était le spécial Motoball. Vive les champions de France, on va les applaudir pour finir. Merci. Bravo, à vous, messieurs. Bye bye, à très bientôt. Et bien sûr, la rediffusion mercredi sur Fly FM. Programme sportif vous a été offert par le groupe Bélussi, votre spécialiste sanitaire, plomberie, chauffage, présent sur 12 points de vente dans la région. Plus d'infos, www.bélussi.fr.